Crosby derrière à Aiguilla. Aiguilla vers Crosby. That's when here's a shot. Henderson made a wild step worth spell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson and scores for Canada. Alors donc 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont gâtés. Tire le bouton. Et le but. C'est long et c'est carré. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie, une émission qui vous parle de sport un peu partout à travers la planète, mais surtout en Mauricie. Bon matin messieurs. Bon matin. Et boy oh, les gars, focus hey, hein. Gros. Ça se regarde, ça parle entre eux, ça fait pas l'émission. Ça va bien là? Oui. Ça va bien? Moi oui, moi ouais. Super bien. Oui. Grosse fin de semaine de sport, pareil. Hein? Oui, oui. Hein? Disons-le, il y a de la nouvelle. Je suis content qu'il y ait de la nouvelle parce que c'est juste mieux pour nous. Parce que ce matin, l'émission a une durée de 2h30. C'est un spécial, c'est-à-dire qu'il bon, y a un débat politique à la chasse-galerie après l'émission entre tous les candidats. Je te prie, laisse-moi finir. J'avais une belle mise en situation et tout, là. Avec tous les candidats qui sont en élection dans la circonscription de Trois-Rivières, sauf celui du Parti conservateur qui a décidé de refuser. Donc, c'est à 11h30. Au lieu de partir le dîner de con, ben gars, on va faire une demi-heure de plus, puis après ça, on ira à ce débat. Donc, on espère vous divertir un petit peu plus. On va voir. On est quand même faire un marathon de 2h30. On est habitué avec les 2h, là. Ça ne va pas être trop compliqué. Ah, ouais. Ce matin, à l'émission, ben, bien sûr, on parle des cataractes de Shawinigan qui, wow, après avoir tiré de l'arrière 1-3 dans la série, sont de retour. Et quel retour hier, une victoire de 4-2. Ils ont dominé les Remparts de Québec d'un bout à l'autre du match, mis à part les 5 dernières minutes environ, là, où est-ce que les Remparts ont inscrit 2 filets. Mais pour le reste, quelle performance. On parle du Canadien de Montréal. Quelle autre surprise. Le Canadien en tête dans sa série. 2-0. Deux belles victoires contre les Bruins de Boston qui ne savent plus où donner de la tête présentement. On parle de course automobile. Automobile F1, très bon Grand Prix. IndyCar, très bonne performance d'Alexandre Taglianni. NASCAR, quelle finale à Talladega. 0.002. 2 millièmes de seconde, la différence entre Jimmy Johnson et Clint Bowyer à la ligne d'arrivée. C'est l'épaisseur de peinture sur le dessus de la voiture qui fait la différence. C'est celui qui a mis le plus gros sticker qui a gagné. C'est ça. Tout simplement. Et on parle de poker. On a eu droit vendredi noir là, du côté du poker sur Internet. On vous explique pourquoi on appelle ça le vendredi noir et quelles en seront les répercussions dans les prochaines semaines, prochains mois même, devrait-on dire, parce que c'est assez majeur comme nouvelle. Et on parle de d'autres sujets. Là. Chronique soccer, Phil, oui. Qui nous fait sa chronique soccer, Ligue des champions, c'est la demi-finale, bientôt. Donc, on va pouvoir parler de ça. Mais tout d'abord, on y va en musique. Vous allez écouter un peu de Breastfeeders avec la chanson 400 000. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ordres de C'est fou. N'hésitez pas à nous rejoindre, là. Écrivez-nous live à commercial, inconduitdepartie.com et notre site web, www.inconduitdepartie.com. J'ai couru 400 000 jusque nulle en terreur. J'ai couru jusqu'au bout du rail. Et le cœur de neige et les âmes de corail. Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'était les Breastfeeders plutôt avec 400 000 tirés de leur dernier album que j'aime bien ça, là. Ça part bien ma journée. Messieurs, parlons hockey junior, ce qui... a enflammé hier la Mauricie, particulièrement Shawinigan. Ouais. C'est fait. Allons-y avec ça. Les Cataractes de Shawinigan ont forcé la tenue d'un troisième match, un septième match plutôt. 3-3 dans la série. L'impossible. On croyait que c'était fini. Mais pour se rendre là au match d'hier, on a d'abord dû disputer un match vendredi dernier à Québec. Le cinquième match de la série entre les Remparts et les Cataractes. On en avait parlé le matin là, à l'émission avec Jonathan Roberge de l'Hebdo de Saint-Maurice. C'était la fin, là. On y croyait pas. À 3-1 du côté des Remparts avec une équipe qui, ma foi, jouait beaucoup mieux que les Cataractes. Gabriel Girard, qui, bon, on connaissait certainement pas ses meilleurs moments de la saison. On n'y croyait absolument pas. Eh bien, l'impossible est arrivé dans ce match-là. C'est-à-dire que une victoire de 4-3 en prolongation des Cataractes de Shawinigan. Gabriel Girard qui s'est levé, 42 arrêts sur une possibilité de 45 lancés. Il a été le facteur de la victoire des Cataractes dans ce match. Les buts là, du côté de Shawinigan en première période, deux buts plutôt, Peter Sakaris et Anton Zlobin. Son cinquième pour Zlobin qui joue du très bon hockey en séries éliminatoires. En deuxième période, Québec réplique deux fois là, Ryan Burke et Alex Wall qui viennent mettre la marque 2-2. En Shawinigan, par contre, réplique encore Jean-François Plante, son deuxième des séries. Et Joey Dubé, après ça, l'ancien des Cataractes, qui égale le pointage. C'est 3-3. Pas de but à troisième, on s'en va en prolongation. Peter Sakaris, au quatrième des séries, des aides à Loïc Poudry et Marc-Antoine Goyette, qui donne la victoire aux Cataractes. Qui l'eut cru, Louis Domingue, là, dans ce match-là, 32 arrêts sur 36 tirs. Performance correcte de Domingue sans plus. Il y avait 11 169 personnes au Colisée de Pepsi. C'est jamais facile de jouer au Colisée de Pepsi. Il y a beaucoup d'ambiance. Félicitations à la troupe d'Éric Veilleux qui l'a emporté. Ce qui fait qu'on se doit de disputer un sixième match. Sixième match qui était hier là, du côté du Centre Bionès. Et c'est une victoire de 4-2 des Cataractes sur les Remparts de Québec. Messieurs, je peux vous dire, c'était une performance défensive parfaite. Parfaite. Mise à part là, en fin de match, là, mais parfaite là, de la part du corps défensif des Cataractes de Shawinigan. Tout le monde, ça bloque des tirs, ça jette devant les lancers. Je sais que c'est des synonymes, mais je me dois de les répéter parce qu'on a vraiment bloqué beaucoup de lancers. Gabriel Lemieux Gabriel Lemieux a connu des séries, une saison correcte sans plus. Lemieux qui espère toujours une offre de la part d'une offre professionnelle là, qui devrait venir cet été, mais toujours pas de développement. Sinon, je peux vous dire qu'il a été approché par plusieurs universités, selon ce qu'il m'a confirmé, entre autres par l'UQTR. C'est un bon petit défenseur à ajouter. Donc, Gabriel Lemieux qui, on le voyait très bon quand il avait 18 ans, mais malheureusement, sa progression a un peu plafonné. Ce qui fait qu'année là, bon, un joueur de 20 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, sans contrat professionnel, toujours en attente. Mais là, je peux vous dire, il dispute des très grosses séries. C'est un de mes joueurs. Avec, c'est sûr, Michael Bournival, je l'attends. Peter Sakaris, je l'attends. Mais Anton Zlobin, qui évolue sur le troisième trio, du talent, travaille fort. On peut souvent reprocher à des joueurs européens, une fois que les séries les séries arrivent de se prendre derrière à deux mains, mais dans le cas du Lobin, c'est pas le cas. Donc, le sommaire dans ce match, Benjamin Cazavet ouvre la marque là, en première période à 17 minutes 23, son deuxième des séries. Yannick Veilleux, ensuite, fait, en deuxième période, fait son, lui aussi son deuxième des séries. Les aides à Michael Bournival et Justin Haché. Parlant de Bournival, en troisième période, c'est lui qui fait son cinquième des séries. Sur une magnifique passe, un tir-passe de Peter Sakaris là, qui est venu trouver la palette là, de Bournival. Un jeu parfait, là, dévié derrière Louis Domingue. Et finalement, Ryan Cavanagh, un tir de la pointe qui déjoue Louis Domingue, qui n'a pas super bien paru là, sur ce lancer-là. Donc, c'est 4 à 0. On doit attendre à la 13e minute de la troisième période pour que Matthew Brown déjoue Gabriel Girard, son premier des séries. À partir de là, il reste à peu près 5 minutes 25. Patrick Roy décide de retirer son gardien. Doit faire le jeu, c'est ça qui arrive avec ça. Bon, admettons qu'il y a une mise en jeu qui est dans ta zone. Ensuite, on retourne Domingue, on ramène Domingue. Ouais. On joue à la corde à linge un petit peu, envoie, revient. On joue à la corde à linge? Ben oui, tu sais, une corde à linge, ça tourne, ça revient, puis c'est ça. Ouais, non, c'est bon. Tu comprends l'analogie. Effectivement, maintenant que tu m'expliques l'analogie, je comprends. Ça ne tentait pas de dire yo-yo, non? Oh, yo-yo, si on veut. Si on veut, ça reste une corde. Donc, on leur tire. Joël Champagne, alors que le but est désert là, du côté des remparts. Joël Champagne qui réussit à déjouer Gabriel Girard avec un tir dans l'enclave. Son sixième des séries, les aides à Jonathan Audi Marchessault et Frédéric Roy. D'ailleurs, là, Audi Marchessault, là, à date, là, en séries éliminatoires, là, 24 points à 10 matchs. C'est une moyenne de 2,4 points par match. Il est tout simplement phénoménal. Frédéric Roy, de son côté, bon, en séries éliminatoires, je vous donne ses statistiques. 17 points en 10 matchs, mais oh, qu'il est dérangeant. Ouais, c'est plus ça, là. Oh, qu'il est dérangeant. C'est plus sa présence. Je peux vous dire, en première période, c'était après chaque coup de sifflet, escarmouche. Escarmouche. Coup de poing, ta-ta-ta, coup de poing, coup de coude, coup de bâton surtout. Un moment donné, Roy est rentré dans Gabriel Girard, il lui a fait sauter les patins. Escarmouche en est suivi, encore une bonne là, celle-là. On a même plus ou moins jeté les gants là, du côté de Benjamin Cazavet, entre autres. Mais on a réussi à s'en sortir et finalement on a réussi à tenir le fort là, du côté des Cataractes malgré que ça donnait un petit peu d'inquiétude là, avec quelques minutes à faire. Mais on l'a emporté, donc victoire de 4 à 2. Le match ultime de cette série sera disputé, c'est mardi, ouais. Du côté du Colisée de Québec. Je sais qu'il y a un autobus, deux autobus même qui vont partir de Shawinigan. Il faut contacter Denise là, au Fan Club. Là. J'ai pas de numéro avec moi, je vais essayer de vous trouver ça là, pendant les entrevues. Donc, il faut contacter Denise. Et on parlait, c'est pas fait, ouais. Ça aussi va falloir suivre, mais on parlait de peut-être diffuser le match sur l'écran géant du Centre Bionest. Entrée gratuite pour les gens, c'est pas fait encore, donc ça aussi va falloir suivre les futurs développements de ce côté. On va aller aux entrevues d'après-match. On va aller écouter tout d'abord l'entraîneur gagnant, Éric Veilleux, savoir ce qu'il avait à dire sur cette victoire de ses protégés. On regarde, je pense qu'on a joué un excellent match. Là. On a amélioré les petits points qu'on devait améliorer, là, entre autres en sortie de zone. Je pense que nos alliés ont été meilleurs que le dernier match qu'on a joué à Québec, et puis ce qui a fait en sorte que notre transition était meilleure aussi. Et puis, on était capable de quand même bien attaquer là, avec la relance. Là, donc, très fier des joueurs. Septième match à Québec, vous l'avez vécu en 2009. Par contre, dans une course perdante, est-ce qu'il y a l'expérience de 2009 que vous pouvez amener sur la table pour mardi? Regarde, ça fait... entends-tu qu'on était dans le trouble, là... Ça fait quand même quelques matchs. Là. Ça fait que, on en a parlé, on a fait un petit tour de table, je veux pas. Il y a plusieurs joueurs dans notre équipe qui ont eu à justement jouer dans des matchs numéro 7. Il y en a qui en ont remporté, il y en a d'autres qui en ont perdu. Sauf que de notre côté, on vous laisse donner une chance justement d'y jouer. Et puis, je pense que la façon qu'on joue dernièrement nous permet, puis je pense pas que c'est volé, là, les joueurs le méritent amplement. Et puis, présentement, regarde, nos chances sont bien meilleures que 5 jours, c'est ce que je peux dire. Oui, logiquement, nos chances sont bien meilleures que 5 jours, qu'il y a 5 jours, bien oui. Évidemment, mais je retiens aussi, les joueurs ne l'ont absolument pas volé. On a déployé un effort supplémentaire du côté des Cataractes pour venir à bout des remparts dans les deux derniers matchs. Avec le dos au mur, là, ça aurait été facile d'abandonner là, du côté des Cataractes, mais on ne l'a pas fait. on dispute un hockey bon qui est beaucoup plus confiant. Je trouve que c'est vraiment ça. On sait qu'on est capable et non pas. On n'est pas comme les Remparts présentement qui, eux, sont en mode réaction. Et ça doit être incroyable la pression présentement que les Remparts vont avoir pour le match de mardi. Là, eux, ils ont tout à perdre. Là. C'était 3-1 pour eux. Là, c'est rendu 3-3. Et c'est surtout qu'ils se sont préparés à avoir ce genre de pression-là à domicile, probablement plus pour le 5e match que pour le 7e. Oui. Ben, écoutez, les gars, vous venez exactement de dire ce que Patrick Roy a dit en entrevue après le match. Donc, on va aller l'écouter, Patrick Roy, l'entraîneur des Remparts. Après ce match, cette défaite face aux Cataractes de Shawinigan par la marque de 4 à 2. Il faut donner crédit aux Cataractes. Je pense qu'ils ont été la meilleure équipe sur la glace ce soir. Ils ont bien exécuté. Nous, on n'a pas bien exécuté. C'était peut-être un des matchs où nos prises de décision puis notre exécution n'étaient vraiment pas du rendez-vous. Mais on a joué contre une équipe qui a bien travaillé puis qui méritait cette victoire-là. Jouez-vous avec plus de nervosité, Patrick? Sentez-vous que c'est un petit peu de pression? Hein? Non, je peux pas dire. Je regardais l'attitude des joueurs puis je peux pas dire, moi, que on semblait là nerveux ou... On va le voir, son dit, le 7e match, ça va être quelque chose. Puis il va avoir l'ambiance dans le Colisée Pepsi. Fait que je veux dire, c'est comme ça, faut la garder. On n'a pas eu une bonne journée, alors il faut se regrouper pour trouver des solutions pour le prochain match. Et en prévision du 6e match, la pression sur les Cataractes, c'est eux qui peuvent tomber en vacances. Bon Dieu, hein? Est-ce que maintenant, 7e match, la pression sur vous autres? Ben moi, je pense que là, c'est les deux équipes qui l'ont. Tu te bats, tu sais, on a toujours dit ça, hein? Quand on jouait à Denver, on joue pour la saison régulière pour avoir le 7e match. Les statistiques sont énormément du côté du club local là, par rapport au match 7. Alors, espérons que ça va continuer de même. Espérons que ça va continuer de même pour les statistiques, mais c'est pas avec des statistiques qu'on joue au hockey, bien sûr, et ça, je pense qu'on l'apprend à personne. Par contre, encore une fois, on doit s'attendre à toute une foule là, du côté de Québec mardi. S'il y avait 11 000 quelques personnes vendredi, je m'attends à un 12-13 000 facilement, là, aisément, qui devraient entrer dans le Colisée de Québec, particulièrement parce que le Canadien ne joue pas. Ouais. Le Canadien est en action ce soir et jeudi, donc on dispose d'un petit mardi cam pour aller au Colisée, un 7e match, contre une équipe qui, franchement... Cataract, Remparts, ça s'aime pas à face, là, et ça fait quelques années. Et Cataract, Shawinigan, Québec, c'est 1h30 de route. Donc, il va y avoir des gens de Shawinigan qui vont s'y rendre. Et d'ailleurs, on en parlait tantôt, l'autobus qui est organisé là, pour se rendre là, deux autobus. Contactez Denise Gagnon au 819-537-0871. Donc, 819-537-0871. Les gens qui voudraient assister à ça se rendent en gang. Là, est-ce qu'il y a un coût pour l'autobus? Oui, il y a sûrement un coût pour les billets d'autobus, là, mais ça, je pourrais pas te dire. J'ai pas les informations là-dessus. J'ai seulement le billet. Philippe, t'allais dire que... Ben, j'allais dire qu'en fait, c'est un autre beau chapitre qui s'inscrit au sein de cette histoire-là, de cette rivalité-là. On a parlé, je me souviens, quand j'étais au secondaire, moi, on parlait beaucoup de la rivalité Victo-Chaoui. Ouais. Peut-être une rivalité qui s'est un peu estompée avec le changement des divisions de la Ligue. Ça s'est estompé, puis ça a été plus... à ma connaissance, je ne sais pas si ça a été comme ça, mais plus Drummondville. Mais vraiment, Québec a migré au niveau rivalité pour une raison majeure, Patrick Roy. Ouais. Je veux dire, quand tu étais au secondaire, de toute façon, c'était probablement... C'était les Remparts, c'était les Harfans de Beauport. C'était les Harfans, donc c'était pas du tout le même type d'organisation. Je veux dire, l'aréna où jouaient les Harfans, c'était à peu près 2000 places. Là. Mm-hmm. C'était un chac. Ben, c'était les Harfans. Je vais aller vérifier, mais il me semble que c'est ça. Ouais, c'est logique. Au secondaire... Non, probablement que c'était les Remparts. En tout cas, vérifiez puis reviens-nous là-dessus. Donc, c'est ça. Et du côté des Remparts, on devra vraiment ajouter notre jeu. Je peux vous dire que hier, là, les gros canons n'ont absolument pas rien fourni là, du côté des Remparts. On devrait ajuster notre jeu pour pas être en mode réaction. Parce que là, on regarde les Cataractes faire, on essaie de s'ajuster. Au lieu d'être ceux qui mettent la pression sur le jeu, ceux qui forcent les Cataractes à faire des erreurs, comme on a vu lors des deux premiers matchs à Québec, où est-ce que c'était majeur la différence d'exécution. Donc, on change, là, on va parler du reste des séries éliminatoires là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y en a trois autres qui est en action. Bon, probablement Saint-Jean contre Victoriaville, ça s'est terminé vendredi dernier. Une victoire de 3-2 des Sea Dogs sur les Tigres. Mais je pense que les Tigres ont chèrement vendu leur peau et j'en parlais. Une équipe si jeune, c'est vraiment bon signe pour l'an prochain pour eux. Et ils ont réussi à battre les Sea Dogs. Ouais, ils ont réussi à battre les Sea Dogs et aussi ont réussi presque à battre les Sea Dogs une deuxième fois. Oui, ben c'est ça. Là, des défaites en prolongation. Les deux derniers matchs, défaite en prolongation 5-4 et ensuite défaite 3-2. Mm. On n'a pas à rougir là, du côté des Tigres de Victoriaville et de la troupe de Yannick Jean. La surprise, par contre, Montréal. Hier soir, Montréal, ouais. Le junior qui s'était incliné à Lewiston par la marque de 4 à 2. Quelle surprise, quel match décevant, quelle série décevante là, du côté du junior de Montréal pour qui on... C'était l'année, là. On espérait beaucoup, mais la troupe de Pascal Vincent n'a pas livré la marchandise. Hier, c'est une défaite de 6 à 3 de la part du junior contre les Maniacs. Moi, je me demande, je vous sors la statistique de Louis, les statistiques plutôt de Louis Leblanc en séries éliminatoires, a amassé 9 points en 10 matchs. C'est très peu pour quelqu'un qu'on s'attendait à une contribution vraiment majeure. Lui qui est à ses 19 ans, donc logiquement, sera pas de retour l'an prochain. Je vais juste vérifier, c'est bel et bien un 1991. Donc, il ne sera pas de retour l'an prochain. Il va rejoindre, bien sûr, les Bulldogs d'Hamilton ou peut-être un autre club de la Ligue américaine si jamais le Canadien veut causer un scandale national et l'échange. Mais je crois pas qu'on... C'est vrai pareil, tu sais. Je crois pas qu'on a connu les performances qu'on était supposé d'avoir du côté de Montréal. Très déçu et... Très déçus. Eux seront très déçus et je suis très déçu parce que c'est avoir eu, mettons, le junior qui se rend en finale de la Coupe Memorial contre les Sea Dogs, on aurait pu créer un buzz à travers Montréal, particulièrement si le Canadien de Montréal est éliminé à ce moment-là. Là, pour l'instant, ça c'est pas l'air d'être parti pour ça, là. Mais si le Canadien aurait été éliminé, on aurait pu enfin voir le junior... arriver avec des bonnes foules, arriver avec des gens motivés, puis voir les gens s'intéresser à ça. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Et finalement, la dernière série entre les Voltigeurs et les Olympiques de Gatineau, ben quel retour en arrière. Après avoir perdu les deux premiers matchs à Drummondville par la marque de 3-1 et 3-0, les Olympiques de Gatineau, la troupe de Benoît Groulx qui a sorti un lapin de son chapeau. 4 victoires sans réplique par Gatineau, des victoires de 4 à 1, 6 à 1, 5 à 1 et 6-3. 1, 2, 3, 4 volées. C'est terminé, les Olympiques de Gatineau qui passent à la prochaine ronde, qui affronteront, bon, tout dépendant, si les Sea Dogs sont premiers. Si les remparts, si les Cataractes l'emportent, ils vont affronter les Sea Dogs. Oh, attendez, là, je parle à travers mon chapeau, j'ai l'impression, là. Je vous sors ça dans quelques secondes. Les Sea Dogs vont affronter Lewiston, exactement. Les Cataractes vont affronter Gatineau. Si jamais les Remparts l'emportent, alors à ce moment-ci, les Sea Dogs affrontent quand même Lewiston et Gatineau va affronter Québec. C'est les séries, c'est ce qui devrait suivre dans la prochaine ronde. Très intéressant. Donc, mardi, 19h, du côté du Colisée de Québec pour les gens qui veulent suivre ça. On s'en va une pause au retour. Hey, c'est-tu les Harfans de Beauport, finalement, tu sais pas? C'est, en fait, c'était fraîchement arrivé, les Remparts, parce que les Harfans ont quitté en 97. Ils jouaient au Peps, Ouais, ils jouaient au Peps dans le temps. Hey, on est loin du Colisée de Québec. Vous êtes vieux, Peps, boy. Là. En tout cas, vous en regardez, vous êtes vieux. Non, on est deux vieux ploucs. On s'en va une pause au retour. Un petit peu de musique et on parle Ligue nationale, le Canadien de Montréal. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Très C'est fou dans vos oreilles. 89. 1. Et nouvelles sont une présentation de l'inconduite de parti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Ici Marc-Antoine Lavoie. Tout d'abord, dans la LHMQ, les Cataractes de Shawinigan ont causé une belle surprise hier après-midi en remportant le sixième match de la série des opposants aux Remparts de Québec par la marque de 4 à 2. Shawinigan force donc la tenue d'un match ultime mardi au Colisée Pepsi de Québec. La série Shawinigan-Québec est la dernière en action alors que Saint-Jean-Lewiston et Gatineau passent en troisième ronde. Au hockey de la Ligue nationale, les Canucks de Vancouver ont pris le devant 3 à 0 dans la série grâce à une victoire de 3 à 2 sur les Blackhawks de Chicago. Du côté de Nashville, Mike Fisher a donné la victoire aux Prédateurs 4 à 2 sur les Ducks d'Anaheim. Après trois rencontres, les Prédateurs ont les devants 2 à 1 dans la série. Et à New York, les Rangers ont finalement gagné un match hier contre les Capitals de Washington. Après avoir vu Mike Knoebel créer l'égalité 2 à 2, Brandon Dubinsky a répliqué avec un but tard en troisième pour donner la victoire aux siens et ainsi gagner un point dans la série menée 2 à 1 par les Capitals. À la course automobile, maintenant, on a eu droit à un nouveau champion hier en F1. Alors que Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Chine devant Sébastien Vettel avec seulement 5 tours à faire. Au tennis, à l'occasion de la finale du Master de Monte Carlo, Rafael Nadal a défait David Ferrer en deux manches 6-4 et 7-5 pour ainsi remporter le Master pour une septième fois de suite. Et finalement, je vous le rappelle, le troisième match de la série opposant les Canadiens de Montréal aux Bruins de Boston aura lieu ce soir au Centre Bell. Zdeno Chara a accompagné son équipe, mais sa présence dans l'alignement n'a toujours pas été confirmée. Voilà, c'était nos informations de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. night. Night love's wasted tonight. Night love's waiting tonight. Night love's wasted tonight. Vous venez d'entendre The Rural Alberta Advantage avec la chanson Stamp. Ça vient de, j'imagine que c'est canadien comme groupe, là. Je le sais que c'est canadien comme groupe, à vrai dire. On parle maintenant, bien sûr, la chanson. La folie est prise. On va le voir de plus en plus ce soir, là, du côté de Montréal. La folie canadienne est prise. Après une première victoire au premier match qui avait un peu choqué tout le monde, on s'y attendait pas nécessairement. Voilà que le Canadien a récidivé samedi avec une autre victoire. Un seul but pour les Bruins dans ce match. Un seul but pour les Bruins dans cette série-là. Une victoire de 3-1. Messieurs, comment aurait-on pu s'attendre à ça? C'est incroyable. Surtout que la première partie, on se dit, ah, c'est... Carey Price a connu vraiment une grosse partie. C'est un peu grâce à lui, tout ça. Mais la deuxième partie, c'est sûr que Geno Chara n'est plus là. Mais le Canadien a complètement dominé les Bruins défensivement, en attaque. Les Bruins étaient complètement absents sur la glace, là. Moi, je tiens à vous dire que j'ai dit que le Canadien allait avoir ce match-là et que ça allait pas se rendre en 7. Je dis ça comme ça. Bien. Ensuite, maintenant que je me suis donné une petite tape dans le dos, Canadien fait exactement la même chose que lui. Il est en train de faire le même coup qu'on a fait au Capitals, le même coup qu'on a fait au Pingouin. Qu'on a fait au Bruins assez souvent. J'écoutais Danny Dubé qui en faisait l'analyse ce matin sur les ondes de Radio-Canada. Pas sur les ondes, à la télévision, pardon. Et c'était très intéressant de le voir, en fait, constater que ce qui fait la force du jeu en ce moment du Canadien, c'est qu'on joue très rapproché à 5 contre 5. Ouais. Donc, en unité de 5. Donc, ce que ça fait, c'est que lorsque les attaquants des Bruins vont vers le défenseur qui est le porteur de la rondelle, ils créent un échec avant très soutenu, ce qui, cependant, creuse l'écart entre les défenseurs et les attaquants du côté des Bruins. Et comme les Canadiens jouent en unité de 5 très serrée, bien, ça crée l'espace nécessaire pour se faire des passes rapides et relancer l'attaque. Et profiter de notre vitesse, qui est la force du Canadien. Exactement. C'est ce que le Canadien fait très bien. Et quand le Canadien n'a pas la rondelle, on se replie en unité de 5. On a un joueur qui met de la pression sans exagérer. Et les quatre autres qui attendent. Donc, Boston est en possession de la rondelle, mais le Canadien est en contrôle du match. Et ça doit être excessivement frustrant pour les Bruins. Et il faut absolument, de leur côté, que Tim Thomas se mette à faire des arrêts clés. Parce que sinon, là... Les longs retours qu'il laisse. Deux buts en début de match, dans chacun des matchs, ça fait très, très mal. Si Boston, ce soir, est capable de s'en tirer à 0-0 après la première période, on risque d'avoir quelque chose de déjà un peu plus intéressant. Ce qui va être intéressant aussi de constater ce soir, c'est de voir est-ce que le Canadien va être capable de se camper dans son rôle défensif et puis d'être patient puis d'attendre. Parce que là, on a 21 273 personnes qui veulent le but rapide en première période pour se mettre dans l'ambiance. Puis, bien, évidemment, toujours Carey Price qu'il faut absolument qu'il continue de faire les gros arrêts. Il faut qu'on le protège. Moi, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on a vu ni Krejci, ni Lucic, ni Horton, ni même Chara proche ni même Thornton proche de Carey Price. Les défenseurs font un travail exceptionnel et on recommence à bloquer des lancers comme on faisait passé en série. C'est magnifique à voir. C'est la première fois de ma carrière d'amateur de hockey où je trouve que du jeu défensif est... captivant et intéressant et énergisant à voir aller. Les seuls retours que Carey Price laisse, on réussit toujours à envoyer la rondelle dans le coin ou dégager tout simplement de la zone. Mm-hmm. C'est super à voir. Le Canadien jouait bien comme ça. D'habitude, on dit ah, le Canadien est chanceux, des arrêts de Carey Price, mais là, le Canadien joue vraiment bien. Et c'est ce qu'on disait tantôt sur les rebonds. On regarde deux des trois buts dans le dernier match. Deux longs retours qui ont été laissés par Tim Thomas sur le but de Michael Camilleri. On ne contrôle pas son rebond, on l'envoie à sa droite. Camilleri qui rentre comme un train, le but. Pareil pour celui de Yannick Weber. D'ailleurs, Yannick Weber là, qui évolue à l'attaque là, sur le quatrième trio. On tente. Écoute, c'est un Suisse, on le moule dans le même moule qu'on a fait de Mark Streit à l'époque. C'est-à-dire, on le faut aussi jouer à l'attaque qu'à la défense. Et c'est pas une mauvaise décision de la part de Jacques Martin, parce que si en cas de blessure, on a besoin d'un défenseur, ben Yannick Weber est en uniforme. Je pense que ça, c'est une décision exactement, qui est très intelligente. Il est constamment dans l'entourage de l'équipe. Il est là avec les gars. Il était là tout le long de l'année. Donc. Puis je pense qu'il amène plus qu'Alexandre Picard. Ouais. Un meilleur tir qu'Alexandre Picard. Ouais. Picard, qui est un joueur bon qui à sa grandeur, pourtant, se sert de ses épaules deux fois par saison. Donc, c'est pas lui qui va t'amener de la robustesse. Puis, avec du hockey de séries éliminatoires, t'as pas le choix d'au moins brasser la cage. Donc, si Yannick Weber est capable d'évoluer aux deux endroits, puis se rendre utile avec un but là, comme celui-ci, sur le tir de l'harceleur qui a pas été contrôlé par Tim Thomas. Oui, Wisniewski s'est bien défendu en parlant de robuste. Exactement, ouais. Ça, c'est là où j'allais également. Ouais. C'était mon autre point. En fait, la tempête de samedi oblige. J'ai manqué la deuxième période, donc j'ai dû l'écouter à la radio. Troisième période, j'étais chez un ami qui a la soucoupe Belle. Oh. Ouais. Okay, donc après la première, tout a coupé. Je l'écoutais à la radio et de la façon dont Martin McGuire nous a décrit ça, Wisniewski avait vraiment sacré une volée à Shane Knighty. Bon, à la télévision, j'ai comme fait, OK, peut-être moins que ce que je pensais, mais quand même, il y en a donné des bons, là. Mise en échec robuste, à la limite du un peu salaud. C'était pas très... On assomme le joueur. C'était pas gentleman. Mais en tout cas, t'assommes le joueur. C'est un peu une mise en échec à la Broom de Boston. Tu sais, qu'on se fait servir de bord. Shane Knighty saute sur Wisniewski pour venger son joueur et c'est lui qui finit à terre. Et là, les Bruins, je m'excuse, là, mais ils ont fait un. Personne s'en attendait à celle-là. On s'attendait à se faire frapper, à se faire battre, à se faire donner des coups salauds. Et puis finalement, non seulement le Canadien est en contrôle du jeu, mais que lorsque l'occasion se présente de au moins se servir de leur muscle du côté de Boston, ils finissent deuxième. Alors ça, c'est quand même très, très, très intéressant. On va falloir voir ce soir. On est vraiment pas inspirés là, du côté des Bruins. Non, Lucas, il dit on est dans le trouble. On est dans le trouble. On semble le savoir. Bon, et la perte de Chara, on dirait que c'était... Déjà on a comme reçu un coup de raquette de badminton en pleine face pour le premier match. On dirait qu'après ça, quand on a vu que Chara allait pas être là pour le deuxième match, le coup de raquette de badminton est devenu un coup de massue. On s'est écroulé totalement et on l'a vu. Il n'y avait pas une tonne d'énergie. On aurait dû sortir fort là, du côté des Bruins. Et pourtant, c'est Mike Camilleri qui a ouvert le pointage. Là, 42, écoute, il y avait 43 secondes de fait en première période. On continue du côté du Canadien. J'en parlais la semaine dernière. L'importance du premier but du côté du Canadien est primordiale. Et là, force est d'admettre qu'on applique ça à la lettre. Mm-hmm. On travaille fort et ensuite, on s'assied là-dessus et on recule. Je ne sais pas à quel point l'absence de Zdeno Chara peut être un facteur du côté des Bruins. Moi, je le vois pas comme un leader là, super... accueillant, là, si on veut, là, qui est capable de prendre ses coéquipiers et de les calmer surtout. Parce que c'est de ça qu'on a besoin, là, c'est de se calmer. Moi, je vois juste peut-être Mark Recchi faire ça, mais là, quand même, Mark Recchi, il va falloir aussi qu'il. Tu peux le dire dans la chambre, mais là, dans cette série-là, jusqu'à présent, dans les deux matchs qu'on a vus, ça va trop vite pour Mark Recchi. Mais ce n'est que deux matchs, il en reste encore cinq. Moi, ce que j'arrête pas de dire aux gens qui me disent bon, Montréal en quatre, c'est attends, ils font en perdre une. Et, en tout cas, tant mieux si on gagne en quatre. Moi, je pense que ça rendrait pas service aux Canadiens de gagner en quatre là, parce que t'as une semaine d'attente après ça pour un adversaire encore plus fort. Mais bon. Parce qu'on a beaucoup de jeunes aussi à Montréal. Donc exactement. Si on gagne en quatre, on va tomber encore dans le même. Dans la même routine, on essaie d'aller offensif. Non, je pense pas. Tu peux pas dire qu'on essaie d'y aller offensif si on gagne en 4 en jouant défensif. Mais se croit plus fort qu'on l'est. Là, tu oublies le facteur Jacques Martin. Ouais, Jacques Martin, là, tout le long de la saison, prenait des notes. Là, je sais pas, je vous l'avais dit avant le début, on l'a remarqué aussi l'an passé en série, ils sont serrés ces notes-là. Il y a les deux mains dans les poches, puis là, il coach. Puis là, c'est vraiment intéressant de le voir aller. Avez-vous vu quand il a pris par les épaules Ryan White en début de première période? White qui était en train de faire de l'échec avant, à n'en plus finir, qui était en train de frapper tout le monde, qui faisait des grimaces aux joueurs après la rondelle, après le sifflet, revient au banc. Et là, t'as Claude Julien, Jacques Martin qui est allé lui parler avec une main sur l'épaule. Lui dit, écoute, calme-toi. Tu fais du bon travail, mais calme-toi. Ou probablement quelque chose comme ça. Continue sa marche et viens lui reparler de l'autre côté en lui remettant la main sur l'épaule. Jamais, jamais, jamais, jamais t'as vu Jacques Martin se servir ne serait-ce que de ses mains sur autre chose que son calepin pendant la saison. Mmh. Et là, deux fois, il va immédiatement sur la même séquence. Il va voir Ryan White. Et comme le coach le fait jamais, ça a encore plus d'impact. Et t'as vu Ryan White, après ça, super calme tout le long du match, qui a fait du très, très bon boulot. Jacques Martin est en contrôle de son équipe. L'an passé, les gars ont goûté à sa soupe, puis ils ont aimé ça. Fait que c'est sûr que cette année, ça reprend. Ils veulent le plat principal, là, maintenant. Là. Je reviens à ce que tu disais sur Zdeno Chara. Écoute, Philippe, je me place en contradiction par rapport à ce que tu disais. C'est sûr qu'on n'est pas dans la chambre, et il y a une raison pourquoi Zdeno Chara le sait. C'est pas comme dans l'hockey mineur où est-ce que tu donnes ça au meilleur joueur de l'équipe. Je suis sûr que c'est un leader, et de la façon que les Bruins sont sortis dans ce match-là, ils ont fait « Oh boy, on vient de perdre notre pilier. » Là. Oui, ils sont pas niaiseux. Ils savent que c'est une bonne équipe, les Bruins. Ils le savent, mais il manque le pivot en arrière, le gros gars. Puis, je suis pas mal sûr qu'ils font pas totalement confiance à Tomáš Kubalík présentement. Effectivement, ouais. Ça, c'est sûr. C'est un point super important que tu amènes parce que, effectivement, l'absence de Chara pourrait être amoindrie dû au succès de Kubalík. Mais Kubalík a pas de succès là, en ce moment avec les Bruins. Ça va vraiment pas bien. Moi, là où j'ai un peu... Je suis d'accord avec toi. Évidemment, c'est un joueur important. Évidemment, c'est probablement le joueur le plus important de l'équipe, Zdeno Chara. Ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, les Bruins ont besoin d'être calmés. On a besoin de prendre un pas de recul, là, de regarder ce qu'on fait de se calmer et de retourner à ce qu'on faisait de bien contre le Canadien. Et je suis forcé d'admettre que Claude Julien ne peut pas faire ça. Il y avait 4 minutes de jouer dans le deuxième match. Il était déjà en train de perdre les pédales en arrière de son banc, puis de crier après tout le monde, puis de frapper dans le banc. Il se fait le terme anglophone, out-coaché. Il se fait. Y a-tu un terme en français? Il se fait battre. Il se fait battre à dans le coaching, en fait. Ouais, c'est sûr. Et out-coaché, je veux dire. Bon, t'as pas besoin de parler anglais pour comprendre ce que ça veut dire. Out-coaché. Je pense pas qu'il y ait de terme équivalent en français, ou du moins qu'il le traduit aussi bien en français. Ouais. Mais c'est exactement la même chose que Bruce Boudreau l'année passée et que Dan Bylsma. Du côté des Pingouins. Et Claude Julien a aucune recette. On l'a vu lors de sa victoire de 8-6. On a vu un Claude Julien le un peu fier. Le fameux match, le derby de démolition, là, que j'ai pas du tout apprécié. On a vu un Claude Julien un peu fier de lui-même d'avoir sorti ses gros canons au bon moment puis d'être venu nous faire mal à Montréal puis blablabla. Mais au-delà de ça, ça a fonctionné parce que le Canadien a embarqué dans le jeu. Ouais. Et c'est correct. Moi, j'ai l'impression que Jacques Martin a peut-être laissé ses gars aller pour justement pouvoir prendre des notes, pour pouvoir en apprendre un peu plus sur ses joueurs. Et puis là, ben, il sait ce que ses joueurs peuvent apporter. Il sait ce que ses joueurs demandent comme rôle également. Puis il sait ce que lui a à leur offrir. Donc à ce moment-là, ben, on a un match parfait. Puis vraiment, Claude Julien est menotté. Il n'a plus de possibilités, selon moi. Ce soir, messieurs, est-ce qu'on voit les Bruins rebondir? Là, du côté des Bruins, on n'a pas le choix de se dire. Puis ça va dépendre. Là, c'est pour ce qui est de Chara, on parle de day-to-day, de game-time decision. J'ai l'impression qu'il va être là du côté de Chara, se réhydrater. Bon, le jour même, c'est difficile, mais 3 jours plus tard, normalement, ça va être passé. Je veux dire, c'est pas. C'est des athlètes, c'est des gens qui ont beaucoup plus de moyens physiques et de moyens technologiques pour se remonter. C'est tout dépendant de ce qu'il y a, mais bon, ce qu'on pense de Chara, c'est que c'est une gastro ou quelque chose comme ça. Ces gens-là ont des produits naturels, des produits beaucoup plus forts pour se remonter. Donc, j'ai l'impression que Chara va être là, à 100%, probablement pas. J'ai l'impression qu'il va être là. Est-ce que c'est le match où on se dit, gars, là, on rentre au Centre Bell, puis on met le feu, là. Excuse-moi, mais... évidemment, ça mettrait les Bruins dans leur style de jeu. Mais il faut que ça fonctionne pour qu'ils soient en confiance. Si ça fonctionne pas, t'es sort de leur style de jeu, t'es sort d'une confiance potentielle, là, ça va plus bien. Et je crois pas qu'un Chara à 85%, c'est très intéressant, sa glace. Là. Déjà qu'à 100%, il pivote rien que Saint-Barre, puis il patine pas à reculons. Là. Ouais. À 85%, mais le yin qu'en avantage numérique. T'es méchant, là. Ben non, mais tu comprends. Je suis pas d'accord. Ça reste un très bon défenseur. Il y a pas un joueur du Canadien qui patine moins vite que Zdeno Chara, même pas Hall Gill. Fait que non, Alex Hold avec des pads. Non. C'est le joueur le plus lent sur la patinoire, et c'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. Puis pas sûr, vit, c'est bon. Que... Ouais, moi, j'ai l'impression que Montréal va remporter avec l'énergie de la foule ce soir. Par contre, j'ai l'impression que Boston va gagner le quatrième. Ouais. Si Canadien... Ouais, toi, c'est ton opinion. Ça, je m'en ai demandé. Si Canadien l'emporte ce soir... On finit pas en 4. Ça se finit pas en 4? Non. On va avoir besoin d'un cinquième. Ben, je sais pas. Moi, si le Canadien l'emporte ce soir, évidemment, tout dépend de la façon dont on l'emporte. Oui. Ouais. C'est sûr que si on l'emporte en prolongation puis qu'on se fait lessiver tout le long du match puis qu'on est chanceux, je vais être d'accord avec toi, il y a possibilité que... Sauf que si on l'emporte de la même façon, encore une fois, pour un troisième match consécutif, c'est sûr que Jacques Martin veut pas retourner à Boston pour à 3-1. Parce que tu retournes à Boston à 3-1, c'est ça. Et là, les remparts sont en train de le voir. Là, c'est un peu ça qui est possible. Et statistique qui ne veut absolument rien dire, mais comme on aime les mentionner, le Canadien a perdu ses deux dernières séries. Ouais, contre la Caroline et les Rangers. 2-0, ouais, 2006-96. Ouais, donc, effectivement, ça ne veut rien dire. Et sinon, seulement, ce n'est pas la même équipe. Ouais, c'était Claude Julien derrière la balle. Ça, c'est drôle. Ouais. Ouais. Bon commentaire, Marc-Antoine. Ce soir, Thomas ou Rask? Ben, c'est absolument Thomas qu'il faut qu'il prenne le devant du filet. Et Claude Julien s'est enlevé son option en le laissant dans le filet après le troisième but. Si on avait amené la Tukaraska. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Donc, si on avait amené Tukarask après le troisième but du côté de Boston, là, on aurait eu évidemment une certitude pour ramener Thomas. Mais ouais, là, comme on l'a laissé là, on a forcé la question à ce match-ci. Et moi, je crois que Claude Julien a peut-être fait une erreur parce que justement, je pense pas qu'il voulait l'entendre, la question qui va gauler à soir. Surtout pas par les journalistes de Montréal qui savent très bien qu'est-ce qu'elle veut dire la question qui va gauler à soir. Mm. Donc, selon moi, on y va avec Thomas, mais on aurait dû y aller avec Rask à la fin du deuxième match pour pas se menotter avec cette question-là. Ouais, je pense qu'on se doit de retourner avec Thomas pour pas s'avouer un peu d'une façon vaincue, parce que si on y va avec Rask, ça veut dire on a perdu le contrôle et il faut vraiment trouver une solution, puis c'est notre dernière solution. Ouais. Moi, je suis pas d'accord de la façon que tu dis, où j'aurais même pas changé Thomas dans le deuxième match, parce que oui, il a pas contrôlé ses rebonds, mais c'est seulement une partie. De toute façon, c'est pas en comptant un but en deux matchs que tu peux aller chercher des victoires. Effectivement. Donc présentement, il est laissé à lui-même du côté de Thomas. Mais tu sais très bien que remplacer un gardien, c'est rarement parce qu'il fait pas le boulot. Ben, un peu. Mais c'est beaucoup plus souvent pour mettre un petit shot d'énergie, une petite étincelle. Sauf que je pense que les Bruins ont d'autres cartes qui n'ont pas abattu encore avant d'essayer de jouer celle-là. Donc, il y a d'autres choses à modifier dans le plan de match des Bruins avant d'enlever Thomas du filet. Je ne sais pas si vous étiez au courant, messieurs, après le troisième match, donc admettons que... Lake Placid? C'est ça, tu me voles les mots. Mettons que les Bruins l'emportent ce soir. On n'en a pas parlé, là. Les Bruins l'emportent ce soir, choquent tout le monde, 2-1 dans la série. Probablement pas le scénario qu'on avait espéré du côté des Bruins. Au lieu de rester à Montréal, parce que le prochain match est jeudi... On se déplace à Lake Placid. Pour les gens qui ne savent pas, Montréal-Lake Placid, c'est 2 heures. Là. C'est pas loin. Là. On s'en va s'entraîner au Centre national, à l'aréna qui a servi lors des Olympiques de 1980. On s'en va dans le feeling, toute l'ambiance de Team USA, d'Underdogs qui viennent battre les Soviétiques, qui étaient l'équipe favorite. Probablement que je suis pas mal sûr qu'il va y avoir une séance vidéo avec le film Miracle, puis on va essayer de motiver les gens à travers ça, au lieu de laisser les boys à Montréal sortir, aller s'amuser. Ouais. On sait ce que ça peut faire. Claude Julien, là, quelle bonne décision. Quelle bonne décision de la part de Claude Julien. Il sait, hein? Claude Julien, il y avait quand même Mike Ribeiro, Pierre Dagenais, José Théodore dans son équipe. Il connaît ça, les frasques de joueurs, les joueurs qui reviennent aux petites heures du matin. Donc, on a pris une bonne décision là, du côté de Julien d'aller à Lake Placid. Donc, moi, ça... je vais te dire qu'on a pris une bonne décision du côté de Claude Julien d'aller à Lake Placine, mais absolument pas pour les raisons que tu as mentionnées. Je pense que rendu en série, si tes gars sortent, t'as un net de problème. Puis je pense pas que les gars sortent de toute façon rendu en série. Puis si t'as besoin de faire jouer Miracle pour les motiver, là, t'as un maudit problème rendu en série. Mais je suis d'accord avec toi pour l'ambiance, pour l'atmosphère, pour la cohésion, le team building, mais pas pour un petit speech de motivation. De rien. Les gars, regardons Miracle ensemble. Là. Ils l'ont tous vu 153 fois, puis ils savent ce qui se passe. Puis ils savent que, tu sais, les tenir en retrait de la ville, j'ai de la misère à acheter ça. Mais pour le reste, pour l'ambiance, évidemment, c'est un endroit merveilleux où s'imbiber de l'esprit du hockey. Oui. Pour avoir visité Lake Placid, là, j'y ai été faire mon tour. Là. C'est une belle petite ville de campagne. Là. On roule les trottoirs de bonheur à Lake Placid. Et je conseille... Comme un Winnipeg. Oui, c'est comme un peu Winnipeg. Qui sera notre prochain sujet après la pause? Ouais. Ah. On va parler de ça. On va aussi parler des autres séries dans la Ligue nationale. Je pensais pas qu'on ferait autant de temps que ça sur le Canadien, mais on est en feu. Donc ce soir, le match 19h30 sur les zones de RDS, CBC. Et... c'est pas mal ça. J'ai rien d'autre à dire. Ça va être excellent. J'ai hâte de voir ça. Ouais. La foule Montréal s'allumer, mettre le feu aux poubelles, mais ne manifestez pas et ne brisez rien. Ça va une pause au retour. On continue à parler de hockey, du Canadien, pas du Canadien, mais des autres séries dans la Ligue nationale. On parle aussi d'un possible déménagement des Coyotes de Phoenix vers Winnipeg. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou dans vos oreilles. 4-20-9-4-20. J'ai enlevé un patin en plein match pour frapper un adversaire. Je suis le seul à l'avoir fait ça. Le conduit de partie. Jésus les filles avec la chanson On verra. J'aime bien ça, ça aussi. On parle, messieurs. Marc-Antoine est parti. Marc-Antoine, il ne savait pas qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Non, effectivement, Marc-Antoine pensait qu'il y avait encore beaucoup de temps. On va le voir rentrer bientôt, là, oh, probablement. En panique. Là. Ce qui est plus drôle ici, c'est que les toilettes. C'est fou, je joue dans les toilettes ici. Donc, Marc-Antoine nous entend très bien présentement. Oui, effectivement. Donc, c'est vrai, j'y avais pas pensé. On le salue, lâche pas le bon travail, Marc-Antoine. On parle maintenant, on continue à parler de la Ligue nationale, on parle des séries éliminatoires. Écoute, c'est la période de l'année, it's the most wonderful time of the year, comme j'écrivais et comme, comme il a été chanté. Salut Marc-Antoine. Lâche pas le bon travail. OK, on avait une bonne émission, on vient de tomber dans l'indiscipline. On est de retour. Messieurs, les matchs à soir là, du côté de la Ligue nationale, les Rangers, victoire de 3-2. Oh. On est de retour. Ben, on est de retour 2-1. À l'arraché. Ouais. Hein? Ouais, c'était une magnifique fin de match. Ça. Vraiment, là, déjà, quand les Rangers ont pris les devants 2-1, j'avais de la misère à voir Washington revenir. Neuvert semblait très instable devant son filet. Ovechkin avait recommencé à vouloir trop en faire par lui-même. Green, pas très stable en défensive. Évidemment, bon, là, pour lui, peut-être que la sauce va prendre un peu plus en deuxième round. Et les Rangers, vraiment, avec l'énergie du Madison Square Garden, je pensais jamais dire ça dans ma vie. Je trouve tellement que c'était un aréna mort. Ouais. Comment tu peux mettre 25 000 personnes qui n'ont pas le goût d'être là dans un aréna tous les soirs, j'en reviens pas, mais en tout cas. Mais on va chercher le 2-1 avec vraiment beaucoup d'efforts. Washington revient avec un gros travail également. Puis à une minute et demie de la fin du match, les Rangers qui sauvent avec la victoire. Vraiment, là, ça va être très, très, très intéressant le quatrième match de cette série-là. Autre match, tu as fait d'analyse, j'ai rien d'autre à rajouter. Nashville-Anaheim, victoire de 4-3 de la part de Nashville. J'aime beaucoup... J'ai pris pour Anaheim dans cette série-là, mais plus je regarde cette série-là, plus je trouve que Nashville a une belle petite équipe, travaillante, Pecorine qui tient le fort. Vous avez pris Nashville, vous autres les boys? Très correct. C'est ce qu'on se consultait, là, il me semble qu'on avait pris Nashville tous les deux. Ça reste... mais Anaheim était le choix logique aussi. Là. Je veux dire, 4 et 5, flip de coin, puis ça arrivera ou ce que ça arrivera. Mais j'aime beaucoup ce que Nashville a accompli en fin de saison. J'aime beaucoup les voir jouer avec énormément d'énergie. Puis je trouve que les Ducks sont peut-être un peu plus là, sur la pente descendante, vieillissante énormément. Malgré le brio de leurs jeunes joueurs, quand même, ils sont appuyés par des vieux loups qui suivent peut-être un peu moins la cadence. Ce que j'avais oublié quand j'ai fait mes prédictions qui m'avaient totalement sorti de la tête, c'est que Jonas Seller est blessé et ne reviendra pas pour l'instant. Non, c'est Ray Emery qui est dans les filets. Et bon, l'avoir su, mais c'est correct. Anaheim se défend à 4-3, là, on est quand même prêt. Et Jordan Tutu là, qui a fait un magnifique but hier, très content pour le joueur d'énergie qui est Jordan Tutu. Et finalement, à Chicago, eh bien, Vancouver a pris une avance de 3-0 dans la série. Ah, qu'on doit se sentir bien du côté de la ville de l'humidité. Winnipeg, c'était quoi, la ville du sommeil ce matin? Winnipeg, la ville du sommeil. Vancouver, la ville d'humidité. Chicago, la ville des vents. Je suis excessivement heureux pour les humides, de les voir remporter 3-0 et dompter les humidex et les voir dompter enfin cette maudite bête noire qui était les Blackhawks, que j'adore. Là. C'est une équipe que j'aime, les Blackhawks, mais j'avais le goût de voir Vancouver plus loin, j'avais le goût de voir les Sedin plus loin, j'avais le goût de voir Luongo, puis j'avais le goût de voir Maxime Lapierre un peu plus longtemps dans les séries aussi. Même s'il n'est pas là souvent, dépendamment de l'équipe qu'il va affronter, il va pouvoir avoir un rôle. Donc, c'est intéressant. J'aime vraiment ça. Oui, je trouve ça plate parce que c'était comme dans mon pool, c'était comme un peu mon long shot de mettre Chicago. J'avais mis Chicago en 7, là. Mais juste pour aller chercher plus de points si ça passait, là, mais je pense que c'est terminé. Oui, ça. Moi, je suis content pour une chose majeure. On sait que Vancouver a une bonne formation depuis des années. Ouais. On sait qu'ils ont une très bonne équipe. Ouais. On sait qu'ils sont fait sortir par Chicago les deux dernières années. On n'a jamais pu voir réellement ce que cette équipe avait dans le ventre. Et surtout Luongo. Sur le long terme. Surtout Luongo, surtout les Sedin, surtout Alain Vigneault. Parce qu'on a affronté un adversaire qui avait son numéro. Là, mis à part une catastrophe naturelle, Vancouver va l'emporter en 4, en 5, on verra bien. Là, le quatrième match est du côté du United Center. Donc, logiquement, il y a toujours des chances du côté de Chicago. Mais j'ai hâte de voir Vancouver avancer et j'ai hâte de voir Vancouver passer à travers une autre équipe après ça, savoir si cette équipe-là a ce qu'il faut pour se rendre jusqu'aux grands honneurs ou finalement, c'était bel et bien une équipe de choker. Parce que une équipe, les Bruins de Boston, là, on sait que c'est une bonne équipe, mais le Canadien a son numéro année après année, mis à part la fameuse année, il y a quelques saisons où est-ce qu'on s'est fait sortir en 4 matchs. Oui, mais là, c'était la débandade partout. Ouais. Là, c'est l'année où les piliers du temple ont été ébranlés, là, pour employer les termes de Michel Bergeron, qui croyait donc que c'était dramatique le de voir... Le pire jour dans l'histoire du Canadien de Montréal. C'est ça. On n'en parlait pas quand les gars connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vend de la poudre. Mais là, ça, c'est le drame ultime. Exactement. Guy Lafleur frappe un mendiant, met une prostituée à la place du volant, puis ça, on en parle 20 ans plus tard. Fait que c'est cela. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as savais pas? Ben, je savais certaines choses, mais je savais pas que ça allait aussi loin que ça. Ah, ouais. D'accord. On n'ira pas plus loin. Non! D'un coup que... Selon ce que t'as lu. Exactement. Selon ce que t'as lu. Je ne fais que répandre la rumeur largement défendue par divers... Diverses sources. C'est bien dit. Selon ce qu'on a pu lire. C'est ça. Chose que j'ai remarqué, messieurs, dans les trois matchs d'hier... Les trois matchs se sont terminés avec une différence de un but chaque. On peut reprocher beaucoup de choses à Gary Bettman. On peut reprocher qu'il a laissé les équipes, il a envoyé des équipes dans le sud, ça marche pas, qu'il a eu les équipes canadiennes, qu'il a fait que le hockey, qui en 94 était rendu plus populaire que la NBA, maintenant rendu moins populaire que les tirs de tracteur et les courses de cochons huilés. Es-tu déjà allé à Sainte-Perpétue? C'est écœurant, c'est génial. J'ai l'expo agricole de Saint-Hyacinthe dans mon coin. Non, à Sainte-Perpétue. Je veux dire, quand un festival s'appelle le Festival du petit cochon graissé de Sainte-Perpétue, il faut y aller une fois dans sa vie. Et je reviens sur ce que je disais la veille. Phoenix et Détroit, ça s'était terminé 4-3. Philadelphie, Buffalo, 5-4. Bon, les deux autres matchs, Montréal, Los Angeles, des victoires plus faciles. On a une belle parité qui donne des séries existantes. Quand même bien que ce soit 3-0 pour Vancouver, on a quand même eu droit à un excellent match hier. Oui. Et j'appuie tout à fait ce que tu dis. Je pense pas que je suis prêt à donner du crédit à Gary Bettman, mais on regarde trois équipes californiennes. Nashville est là, Phoenix est là. On est loin, là, on est dans le sud des États-Unis. Là, et ça, c'est très intéressant parce que même géographiquement, c'est réparti. Ce que ça peut vouloir dire un peu, c'est que même dans les marchés qui ne sont pas des marchés naturels de hockey, géographiques de hockey, on est capable d'implanter des bonnes équipes. Reste à avoir des gens dans les gradins, ce que du côté de Phoenix, ça semble pas du tout être le cas. Reste à voir, là, Tampa Bay est en série. Tampa Bay, quand il y a des bonnes équipes, on a du monde dans les gradins. Quand ils ont gagné la Coupe, était là. Floride, malgré 11 ans sans faire les séries, il y a quand même des gens dans les gradins. Quand on a été... Pas seulement le Canadien est là. Ouais, je sais bien, mais quand même, t'es capable d'amener un peu de monde. Puis quand on est allé en Syrie du côté de la Floride, c'était à l'année d'expansion. La première année, c'était évidemment en plein. Il va falloir prendre une décision de ce côté-là également. Je pense que tu parles des rats, là, l'année des rats. Oui. Bon, c'était en 96, c'était pas l'année d'expansion. C'est pas l'année d'expansion? Non, d'accord. Du tout. Il va falloir se poser des questions du côté de Gary Bettman pour ces milieux-là, en fait. Là. Savoir avec la Floride, qu'est-ce qu'on fait. Avec Atlanta, qu'est-ce qu'on fait. Parce que dans ces deux marchés-là, on est incapable d'implanter des bonnes équipes. Et Dallas, ça va pas très bien. Mais Dallas, on a gagné la Coupe. On sait qu'il y a un potentiel intéressant. Exactement. À Dallas, tu vas toujours être dans l'ombre des Cowboys, peu importe le nombre de coupes cette année consécutives que tu peux gagner. Et, soit dit en passant, Mark Crawford, il n'est plus dans la Ligue nationale. Une semaine plus tard, j'ai eu raison. Je t'étonnais quand même. Je pensais pas qu'il avait fait un travail. Il n'y a pas une équipe qui est très solide devant lui. Là. Je veux dire, ses meilleurs atouts sont Mike Ribeiro. Je veux dire, c'est correct, mais sans plus. Dans les filets, Carey Lehtonen, ça, on a tout en peur qu'il casse en deux. Très étonné. Là. Brad Richards, là, bien sûr, là, quand je parlais de meilleurs atouts. Et là, Richards, qui d'après moi ne sera pas de retour l'an prochain. Ne soyez pas étonné de le voir atterrir à Toronto. Hey, petite nouvelle, là, Bobby Ryan s'est fait suspendre. Oh. Deux matchs. Tata, abruti, imbécile. Moi, je l'aurais suspendu pour le restant de la série. Ouais, ben c'est tout à fait difficile d'aller avec ça parce qu'il y a des précédents qui font que c'est tant de matchs puis patati patata. Ouais, mais Chris Simon, là, banni à vie des arénas. Évidemment, il y avait des antécédents, mais si c'est pour un coup de patin complètement identique, lui, il a été banni de la ligue. Là. Chris Simon? C'était un coup de bâton en plein visage. Ben il avait donné un coup de patin aussi. C'était peut-être avant, là, mais en tout cas. Bref. C'était pas le joueur qui adverse qui a donné un coup de patin, je crois, à Chris Simon. En tout cas, peu importe. Continue. Donc, suspendu deux matchs pour avoir donné un coup de. En anglais, on dit un stomp, c'est-à-dire avoir sur le patin du joueur des Predators de Nashville, Jonathan Blum. Donc, on l'a pas vu sur le coup. Ce qui a fait que, alors que ça aurait été un 5 minutes tentative de blesser, Bobby Ryan est resté dans le match et a été responsable du but de la victoire, là, si je me trompe pas, là, du côté de Naheim. Donc, imagine que l'arbitre le voit, on parle plus, c'est plus du tout la même donne. Non. Plutôt, Nashville profite d'un 5 minutes d'avantage numérique. Mais imagine aussi que les patins, là, c'est exactement. Passé en 2011, là. Mais ça aurait pu être plus dangereux que ça si on n'avait pas eu les protections supplémentaires qu'on a rajoutées les dernières années. Ouais, ben les patins, je peux vous garantir, pour avoir vu des patins de Ligue nationale, ça n'a rien à voir à ce qu'on peut acheter à 700-800$ dans les magasins. C'est du double couture, les matériaux sont tous plus épais. Si vous avez la chance de vous procurer ça, je vous encourage fortement. Autre nouvelle, messieurs, et là on va aller sur une discussion, j'en suis aucunement inquiet. Selon la rumeur qui a été lancée, du moins par Ken Campbell de Hockey News, semble-t-il que les Coyotes de Phoenix se rapprochent de plus en plus de Winnipeg. On dit que entre le moment où les Coyotes vont être éliminés des séries, ce qui devrait être bientôt, là, je pense que Détroit a une bonne emprise sur la série. 2-0. Et 3-0. 2-0. Voyons. Je vais continuer, je vais. À la recherche. 2-0. 2-0, c'est correct, 2-0. Entre le moment... ils doivent jouer aujourd'hui. Dans le fond, c'est quoi les matchs ce soir? Sortez-moi ça, messieurs. J'ai ça immédiatement, là, le temps que la page puisse loader. Les matchs de ce soir, ce sera pas long. Bon, évidemment, Montréal-Boston qui va jouer ce soir. On parle aussi de Philadelphie contre Buffalo. Oui, Phoenix contre Détroit est là. Et c'est Pittsburgh contre Tampa Bay. Les matchs qui vont être disputés. Bon, Buffalo-Philadelphie, c'est à... 19h du côté de TSN. Canadien-Boston, bon, on en a parlé tantôt, RDS-CBC. Pittsburgh, Lightning-CBC à 19h30. Oui, c'est-à-dire qu'on va... C'est sur une chaîne Root Sun. Root Sun, ça, c'est là-bas. CBC, je suis étonné que CBC peut disputer, peut montrer les deux matchs en même temps. Je ne sais pas comment on va procéder. La série entre Détroit et Phoenix... Ah, j'imagine que ça va être entre les périodes, peut-être. Ouais. Et la série entre Détroit et Phoenix, ça va être disputé... À 22h30. Versus CBC, RDS. Exactement. Donc, je reviens sur ce que je disais tantôt. On dit qu'aussitôt que les Phoenix vont être éliminés, on va annoncer le déménagement des Coyotes de Phoenix vers Winnipeg. Qui l'aurait cru? Qui aurait cru qu'un jour, Phoenix... pas Phoenix, mais Winnipeg reverrait un club? Moi, j'ai toujours dit que Winnipeg est en avance sur Québec pour recevoir un club. Cette année, ça, je tombe en bas de ma chaise. Ouais. Pour la prochaine saison, qu'au draft, au repêchage en juin, ce soit les Jets de Winnipeg qui repêchent, ça, je suis soufflé complètement. Ça serait beau. C'est l'argument que je disais aux gens qui disaient les Nordiques sont revenus. Non, les Nordiques sont pas revenus. Attends, le Winnipeg est en lice, puis le Winnipeg est en avant de Québec. Ils ont l'aréna. Il est tout petit. Ils ont l'aréna, puis ils ont l'entourage d'entreprises pouvant se payer des loges corporatives aussi. Ce qui est peut-être un petit peu plus difficile à Québec parce que Montréal va drainer énormément de jus. Mais comme tu as dit, Winnipeg, c'est une ville morte, là. Ouais. Donc, est-ce que ça va ramener un peu de vie dans la ville? Je pense pas que Gary Bettman et ses sbires partent sur cette prémisse-là. Là. Mais selon moi, si on le ramène, et c'est quand même une source extrêmement fiable qu'il mentionne, Même si la Ligue nationale nie tout ça, là, ni pour l'instant, là, mais c'est sûr qu'on nie parce que le club de Phoenix appartient à la Ligue nationale. Ouais. Donc, si tu annonces là, à matin, là, on annonce que tu tires dans le pied parce que pour les matchs qui viennent, admettons que Phoenix sera en deuxième ronde, il va y avoir 8000 personnes dans les estrades et ça, c'est avec les billets donnés puis les billets de saison à qui on a fait puis des moitiés. Puis les autobus remplis des Red Wings. Des Red Wings. Parce que Gary Bettman l'avait dit qu'il voulait pas être en possession de l'équipe l'année prochaine. Donc, il se cherche un nouveau... Mais là, ce qui arrive là-dessus, c'est que, bon, on a un partage de revenus, bien évidemment, dans la Ligue nationale. Et il y a longtemps que c'était les équipes américaines qui donnaient aux équipes canadiennes, particulièrement quand le dollar était à 60 sous. Là. Ça coûtait 40 sous de plus là, pour te payer un joueur. Là. Donc, des salaires faramineux. Mais tu sais, en plus, au Canada, où est-ce que les taxes sont encore plus élevées, fallait que tu payes en double, là, à peu près, pour pouvoir te payer un joueur. Mais là, c'est le contraire présentement. On est extrêmement rentable là, dans trois équipes canadiennes. Les trois autres équipes, bon, c'est pas la joie, mais c'est pas si pire que ça. On flotte un peu. Ouais, on a... La tête est en haut de l'eau. Si on parle d'Ottawa, c'est peut-être à cause des dirigeants. C'est peut-être pas à cause de l'entourage de l'équipe. Là. Ouais, ben là, du côté d'Ottawa, on va être en mode de reconstruction. Ouais, donc ça, il n'y a pas de changement. Donc, on est tanné du côté des propriétaires de payer pour une équipe qui perd à coût de 40 millions par année. C'est énorme, 40 millions. Là. Des billets qui sont donnés, des billets qui, à moitié prix, ça coûte pas cher aller voir les Coyotes de Phoenix. Là. Avec 100$, vous en tirez avec des très bons billets, un hot dog puis un T-shirt. Là. Donc, félicitations. Le T-shirt, vous le redonnez là, à quelqu'un. Là. Gardez votre T-shirt du Canadien, là, mettons, là, si vous êtes allé là. On parle de la vente qui serait donc le groupe. Ce qui arrivait, bon, on avait fait une entente avec Michael Ulcizer, qui est un investisseur de Chicago, qui voulait acheter le club, mais qui demandait à la ville de le financer à coût de 197 millions, c'est-à-dire on allait un peu absorber le loyer des Coyotes okay. au Jobbing.com Arena dans le but de... C'est parce que quand même, si ton équipe perd beaucoup d'argent, ça reste un moteur économique. Ben oui. Et la ville de Glendale a payé pour cette aréna-là. C'est elle qui est propriétaire de l'aréna. Donc, s'il n'y a aucun locataire, on est dans le trouble. Je vais payer pour un beau bloc appartement, mais il n'y a pas personne qui va aller vivre dedans. Ça me coûte cher d'hypothèque par mois pour ce que ça me rapporte. Donc, c'était le but. On voulait sauver ça. Et il y a le Goldwater Institute, qui est un institut, dans le fond, qui est un groupe qui... bon, on le sait, aux États-Unis, c'est beaucoup plus de droite et c'est un institut qui se force à regarder où est-ce que l'argent des contribuables est dépensé. Parce que là, c'est de l'argent des contribuables qu'on allait acheter. Où est-ce que c'est dépensé? Et quand que l'offre est venue là, pour Michael Sulzer, ils se sont fortement opposés. Ouais. Et semble-t-il que leur opposition fait écho à travers les gens de la région qui s'opposent à ça, qui tiennent pas plus au hockey que ça. On se dit, gars, 197 millions pour le loyer, payer ça. 197 millions, l'aréna en a coûté 250-300. On s'en tire pas si mal que ça. On aura des rodéos et des shows de Monster Truck. Là. C'est un peu ce qu'on dit du côté de Phoenix. Il est jamais perdu, l'amphithéâtre comme tel. Le problème à Phoenix, bon, Phoenix, Glendale, Scottsdale, c'est deux banlieues, Saint-Eustache, Brossard, mettons. C'est qu'il y a un aréna à Glendale, il y a un aréna à Scottsdale. Scottsdale, les Suns de Phoenix. Donc, les Suns, pour ceux qui disent « Ouais, mais il y a les Suns », non, il n'y a pas les Suns. Donc, on se retrouve avec deux méga arénas, aucune équipe. Belle erreur administrative. Qu'est-ce qui empêchait les Coyotes de jouer dans l'aréna des Suns? Je pense que c'est Glendale. C'est la ville de Glendale qui voulait ça. Ben oui, mais c'était la ville de Phoenix, là, prends les choses en main. Faut que tu fasses la nuance. C'est pas la ville de Phoenix, c'est la ville de Glendale et la ville de Scottsdale. Ouais, mais tu viens de dire que c'est des banlieues de... C'est des banlieues de, mais la ville de Brossard, la ville de Saint-Eustache, c'est pas Montréal. Non, je comprends. Tu comprends? Mais ça s'appellerait pas les Coyotes de Brossard, ça s'appellerait les Coyotes de Montréal. Mettons. Au même titre que c'est les Sénateurs d'Ottawa, okay, mais c'est Canada. Ouais, je comprends, mais quand même, c'est ton nom qui est associé à... T'sais. Ouais, tu y vas avec le gros marché. Aux États-Unis, encore plus qu'au Québec, parce qu'au Québec, on reste avec une mentalité très locale, alors qu'aux États-Unis, c'est la ville d'agglomération, au même titre que tu as la ville de Wicks, Barrie, Scranton, qui est étendue sur... Mais pas juste ça, c'est parce que les villes sont beaucoup plus énormes ici. Oh, oui, c'est ça, c'est par ça que c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'on a une mentalité plus parce que c'est des petites villes qui sont toutes des... À la base, qui sont venues se joindre à la banlieue, tandis que dans le coin de Phoenix, aller voir à Glendale, à Scottsdale. C'est la ville qui a été étendue, qui a été formée, mais ça reste des endroits où est-ce que tout est pareil. Là. Les fameux les fameuses agglomérations avec les maisons toutes identiques, tout le monde a le même SUV, puis tout le monde a la même couleur de bardeau de toit. Ben c'est ça. Donc, Glendale tirait de son bord pour avoir son aréna, Scottsdale aussi. Deux arénas ont été bâties, ce qui donne qu'aujourd'hui, une des deux banlieues va être prise avec ça. On l'a dans le trouble, mais on s'en irait. Bon, la vente serait de 140 millions. Ça s'en irait au True North Sports and Entertainment, groupe bon financier de Winnipeg, qui amènerait les Coyotes pour devenir les Jets. On dit qu'au total, ça serait une vente de 200 millions parce qu'on investirait 60 millions en rénovation pour ajouter 2500 places au MTS Center de Winnipeg. On dit que le toit était... Oui, on peut enlever le toit et rajouter des... Le toit est aisément... on peut aisément lever le toit aisément. Là, c'est relatif, là, bien sûr. Là, en termes de construction, là, c'est plus difficile que faire des Legos. Mais on peut... Il y a des Legos du rappel. Il y a des Legos qui sont pas simples. Oui, mais ça te prend pas 6 ans de cours de génie pour faire des Legos. Des Legos qui sont pas simples. Donc, ce qu'on veut faire, c'est... Mais là, ça se fera peut-être pas... D'ici cet été, là, où tout dépendait de combien de temps qu'on a, on lèverait le toit, on ajouterait 2500 places. Est-ce qu'on a besoin de... Est-ce qu'on a besoin, c'est la question que plusieurs se posent. À 60 millions, est-ce que ça vaut la peine d'aller acheter des sièges qui vont être des... ce qu'on appelle en anglais des nosebleeds, c'est-à-dire on va être... Des sièges vides, là. Des sièges où on va saigner du nez tellement qu'on est haut, là. Mm-hmm. C'est combien? C'est 2500 sièges de plus? Oui. Ça mettrait à 17 500? Alors que là, on est à 15 000. Exactement. Ça fait combien de sièges? 7 500. 7 500, c'est un aréna très respectable, surtout pour une ville pour Winnipeg. Effectivement, mais même à 15 000, il n'y a pas de... Je pense qu'à 15 000, ce qu'on n'aime pas, c'est que, bon, probablement, oui, il va y avoir de la demande, mais on ne pourra jamais aller plus haut que 15 000. T'es à Winnipeg? C'est pas grave. Tu n'iras jamais plus haut que 15 000. En séries éliminatoires, à 60$ de siège, ça va aller plus haut que 15 000. Sur 2000 billets, tu sais, je veux dire, c'est pas énorme, là. On parle de 3,2 millions sur une série au complet. Une saison, une série de... C'est l'argument... Je vais-tu le dire, tu penses? C'est l'argument... Les séries au complet. Ah! C'est l'argument que plusieurs ont, que ça vaut pas la peine de faire ça. Ouais. Mais bon, d'un autre côté, t'as des critères à respecter. D'un autre bord, je suis pas mal sûr que si t'as 60 millions-là, peut être subventionné de telle et telle manière parce que tu crées de l'emploi. Probablement. Mais c'est peut-être 30 millions. Donc, en bout de ligne, 30 millions sur 10 ans, tu vas te rembourser en quelque part. Je serais surpris de le voir être subventionné. Le... Je pourrais pas dire. Je connais pas la politique de manitobienne. Du manitobienne. Oui, non, effectivement, c'est sûr que ça peut toujours être financé au provincial, mais le fédéral, il investira évidemment pas dans cet amphithéâtre-là. Mais les gars, la grosse question demeure que, évidemment, si les Coyotes sont rapatriés à Winnipeg, il faut changer l'uniforme des Jets. Là. On garde. On garde l'idée générale, non, OK, des Jets. Beau, oh non, c'était beau. Non, attends. C'est parmi et de loin les plus laids chandails du sport. C'est dans le top 10 des pires chandails de sport au monde. Je suis pas d'accord. Très beau. J'adore le... Attends, tu viens de quel? Le logo est beau. Le logo, ça peut passer, c'est correct. Le bleu défraîchi avec le rouge un peu palette puis le blanc un peu tiré sur le crème. Là. Oh! On dirait que la laveuse a pété en deux games puis ont fini de jouer avec le vieux stock. J'adore l'uniforme des Jets. Je suis pas capable. Tu parles bien de l'uniforme qu'ils ont eu lorsqu'ils sont disparus. Ben oui. Le chandail des Jets, là. Non, mais il y a eu l'autre avant, là, qui est un genre de rond, là, tu... Ah oui, c'est ça, c'est net en mort. En fait, là, pour dire aux gens, bon, évidemment, on a le logo des Jets, mais c'est le bleu et blanc, là. En fait, c'est les Islanders avec des bandes rouges au lieu des bandes oranges. Ben, c'est beaucoup plus le Canadien, mais avec un chandail bleu au lieu d'un chandail rouge. Bon, vois ça comme tu veux, là. Mais pour revenir à ce que tu disais que ça, c'était la question pour toi. Je trouve que la chose la plus importante à travers tout ça, c'est qu'on va pouvoir ramener la bonne vieille menace à travers la Ligue nationale de gars. Si tu joues pas bien, moi, t'es changé à Winnipeg. Je trouve que ça va être la chose la plus importante. Non, réellement, la réelle question à travers tout ça, c'est... Est-ce que les joueurs sont intéressés? Les joueurs de Coyotes nous ont dit qu'ils sont aucunement intéressés. Absolument pas. Éric Bélanger qui l'a dit. Phoenix, t'es dans le désert, il y a des terrains de golf, tout est beau, tout est chaud, tu t'en vas à Winnipeg, la ville la plus morte au monde, où tous les joueurs sortent pas, là, mis à part Marc Gagnon dans un épisode de l'Anse et Compte. C'était fait pogner par Jacques Mercier. Il n'y a pas possibilité de... Je sais pas. Non. Mais moi, non, réellement, là, on y a... C'est difficile d'amener des joueurs. La vraie question, là, c'est si le déclic a été fait pour ramener une équipe à Winnipeg, on vient d'inverser la vague, là. La vague des équipes canadiennes qui s'en vont aux États-Unis, qui a duré 15-20 ans, là, puis que tout était menacé, c'est fait, c'est inversé. Une première équipe va retourner au Canada. La même, en plus, qui avait été... Ouais, ça, c'est beau. C'est pas comme... C'est pas comme Minnesota qui a été transféré à Dallas et après, une équipe d'expansion est venue. La même équipe est retournée à Phoenix. C'est quelque chose. Faut pas se leurrer, là. Puis il faut savoir Québec, vaincu. C'est une maudite bonne nouvelle pour Québec, là. Mais tu vois, moi, j'ai de la misère à trouver que c'est une bonne nouvelle. Je vois ça un petit peu... c'est peut-être moins, mais je vois ça peut-être un petit peu baveux pour Québec. Ben non, selon moi, c'est pas baveux pour Québec parce que Winnipeg est en avance. Puis les gens de Québec avaient rien qu'à le savoir que Winnipeg est en avance. On n'a aucune possibilité. Québec n'est même pas dans nos plans. tout d'un coup. Ah, ben effectivement, Québec n'était pas dans les plans. Les plans, c'était Winnipeg. Tout d'un coup, quand Québec a son amphithéâtre, c'est là que on retourne à Winnipeg. Ah, mais c'est correct. Winnipeg, ils l'ont bâti depuis 2-3 ans, leur amphithéâtre, puis ils rushent pas mal plus qu'à Québec. Je veux pas dire que c'était ça la pensée de départ, mais c'est un questionnement que j'ai eu. Mais non, je crois que c'est plus une bonne nouvelle pour Québec. Moi, ce que je trouve que, oui, c'est une bonne nouvelle pour Québec, parce que forcément, comme tu dis, il va avoir maintenant un précédent. Ouais. Il est toujours là, on est toujours au conditionnel, évidemment. Ouais. Il y aurait là un précédent de rapatrier une équipe américaine en sol canadien. Et c'est intéressant pour Québec parce que je crois qu'en sol canadien, Québec est probablement la prochaine en liste. Je pense qu'on est devant Hamilton et on est devant... Toronto? C'est ça. Une deuxième à Toronto, selon moi. Et la deuxième à Montréal. Jamais. mais... La question qui se pose, c'est que c'était les Coyotes qui étaient l'équipe menacée de déménager. À Atlanta, c'est compliqué de déménager une équipe. On l'a vu, le Phillips Arena, ça vient avec le club, là. Fait qu'il faut voir, il faut essayer. En Floride, c'est peut-être là qui a le secret. Mais pour Long le Island reste, aussi. Long oui, Island, mais les Islanders, c'est quand même 4 Coupes Stanley, là. Tu sais, c'est un règne là, à travers la Ligue nationale. Je ne sais pas à quel point il y a une réelle possibilité là, de voir les Islanders déménager à Québec. Je pense pas que c'est le premier choix. Je pense que exactement, c'est ça. Je pense qu'on sait c'est que ça peut marcher à New York, à Long Island, mais on sait aussi qu'on dirait qu'on fait tout pour pas que ça marche. Ouais. Mais là, c'est ça. C'est de savoir c'est que ça prend une autre équipe qui rentre dans le trouble solide pour que Québec ait une chance. Il y en a qui sont dans le trouble. Oh oui, mais il faut l'être longtemps dans la tête à Gary Bettman. La Floride est celle qui est la plus mal prise. Probablement. Parce qu'Atlanta, c'est plus compliqué, mais Atlanta aussi veut déménager. Est-ce qu'on a eu des nouvelles des Oilers pour leur nouvelle amphithéâtre, là? Non, aucune nouvelle là-dessus. Mais moi, ce que je m'en allais dire, là, pour Québec, ça donne un coup à tout le monde de dire hey, go, là. Ah ouais, dessinez-moi ça au plus vite, les plans, là, parce que regardez ce qu'on vient de passer à côté. Puis regardez ce qu'on pourrait passer à côté d'autre. C'est le temps de le construire. Mais si Winnipeg est revenu... À Québec, on a passé à côté en 95. On n'est pas en train de passer à côté en ce moment. Là. Ben non, mais je veux dire, la vague est là. Oui. Hein? C'est le temps de surfer sur exactement. La vague. Là. Ça va pas bien, l'économie américaine. Faut pas attendre que le dollar descende à 80 sous puis que les équipes américaines se remettent à jouer pour faire « Ben, gars, finalement, on a manqué à la vague. » Un peu comme Hamilton a manqué à la vague dans les années 80 aussi. Donc, faut surtout pas attendre. Dessiner les plans... le financement est fait, il n'y a pas vraiment d'opposition, ou du moins, c'est pas une opposition générale à ce projet. Niaisez pas avec la POC, faites-le parce que regardez. Non, parce qu'il y a encore un gros joueur à Kansas City aussi, là, aux États-Unis, puis il y a un gros joueur à Seattle aussi. Donc, il n'y a pas d'aréna à Seattle. Non, effectivement, mais on a une volonté de. Donc, il n'y a pas d'aréna à Québec non plus, comme tel. Non, mais tu n'as pas d'aréna. Oui, elle n'est pas promise non plus à Seattle. Il n'y a pas rien de fait, il n'y a pas de plan de construire, il n'y a pas de subvention de données, mais on veut une équipe là aussi. Puis, si on est obligé de dire que c'est un marché intéressant pour la Ligue nationale, là, avec la proximité avec Vancouver, ça peut être très, très bien. Je sais pas du côté de Seattle, on préférerait pas essayer de ramener une équipe de basketball avant une équipe de hockey. Possible. Parce c'est fort possible. Une équipe de Ligue nationale, t'en as jamais une, tandis que non, les Sonics, ça a été là pendant longtemps. On s'en va une pause sur cette belle et longue conversation. Là. On ne vous a pas donné de break, on vous a en donné un, vous devez être un peu tannés de nous autres. Là. On s'en va une pause. Au retour, on parle de course automobile et... Phil, soccer. Non, je suis prêt. T'es prêt? Okay, on après parle la pause, pas là, là. Après la pause. Okay, mais oui, mais oui. Pour dire, mais oui, après la pause. Okay. On parle de soccer. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou, les 10h31. N'hésitez pas à nous rejoindre live à commercial, inconduitedepartie.com et notre site web, inconduitedepartie.com. À l'UQTR, c'est plus dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedepartie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Ici Marc-Antoine Lavoie. Tout d'abord, dans la LHMQ, les Cataractes de Shawinigan ont causé une belle surprise hier après-midi en remportant le sixième match de la série des opposants aux Remparts de Québec par la marque de 4-2. Shawinigan force donc la tenue d'un match ultime mardi au Colisée Pepsi de Québec. La série Shawinigan-Québec est la dernière en action alors que St. John, Lewiston et Gatineau passent en troisième ronde. Au hockey de la Ligue nationale, les Canucks de Vancouver ont pris les devants 3-0 dans leur série grâce à une victoire de 3-2 sur les Blackhawks de Chicago. Du côté de Nashville, Mike Fisher a donné la victoire aux Prédateurs 4-2 sur les Ducks d'Anaheim après après trois rencontres, les Prédateurs ont le devant 2-1 dans la série. Et à New York, les Rangers ont finalement gagné un match hier contre les Capitals de Washington. Après avoir vu Mike Anuba créer l'égalité 2-2, Brandon Dubinsky a répliqué avec un buteur en troisième pour donner la victoire aux siens et ainsi gagner un point dans la série menée 2-1 par les Capitals. À la course automobile, maintenant, on a eu le droit à un nouveau champion hier en F1, alors que Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Chine devant Sébastien Vettel avec seulement 5 tours à faire. Au tennis, à l'occasion de la finale du Masters de Monte Carlo, Rafael Nadal a défait David Ferrer en deux manches de 6-4 et 7-5 pour ainsi remporter le Masters pour une 7e fois de suite. Et finalement, je vous le rappelle, le 3e match de la série opposant les Canadiens de Montréal aux Bruins de Boston aura lieu ce soir au Centre Bell. Zdeno Chara a accompagné son équipe, mais sa présence dans l'alignement n'a toujours pas été confirmée. Voilà, c'était nos informations de l'inconduitedeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Planète Smashers avec la chanson Blind. Un petit retour dans mon passé, dans le passé ce matin. Très bon, ça aussi. J'aime bien mes choix musicaux ce matin, ça me vantait. Phil! J'aime pas tes choix musicaux ce matin, Nicolas. Mais c'est pas grave, on est diamétralement opposés ouais, au niveau c'est de ça, la musique. Donc, ça donne rien. Exactement, c'est chat, ça. Chat et chien, ours et canadien. Ah, j'allais, je pense, ben écoute. Ouais. Tant que je suis Canadien, ça me dérange pas. Ligue des Champions. C'était la fin des quarts de finale du côté de la Ligue des Champions. En fait, c'était les matchs retour. Et à toute fin pratique, là, c'était à peu près réglé déjà là, dans la majorité des matchs. Le seul match qui restait, le seul affrontement qui restait un peu à délimiter, c'est Chelsea-Manchester United. Donc, on va voir ça très bientôt. Barcelone était à Donetsk pour y affronter le Shakhtar Donetsk en Ukraine. Okay, Barcelone merci. Qui menait... C'était vraiment la question que j'allais te demander. Écoute, j'étais prêt. Barcelone qui menait 5-1 lors du match aller et l'emportait 1-0. C'est donc une victoire de 6-1 au cumulatif. Barcelone qui passera au prochain tour du côté de Manchester à Old Trafford. C'est le match qu'on surveillait en fait. Manchester United avait pris les devants à Chelsea 1-0 lors du match aller. Marque deux buts dans ce match contre un seulement du côté de Chelsea. C'est Drogba à la 77e minute qui avait marqué pour créer l'égalité, mais Park Ji-sung qui est immédiatement après, là, environ 35 secondes plus tard, a marqué le but du côté de Manchester United. On l'emporte donc 2-1 et au cumulé, ça nous amène à 3-1 Manchester United qui passe en demi-finale. Du côté de Gelsenkirchen. C'est Schalke qui affrontait l'Inter de Milan, Schalke en Allemagne. Gelsenkirchen, c'est une banlieue de Bécancour, ça. Hein? Effectivement, ouais. Oui. D'ailleurs, c'est là qui est situé le prochain site Gentilly 3. c'est du côté de l'Inter, on était mené 5-2 lors du match aller. Schalke qui avait vraiment surpris tout le monde. Et encore une fois, elle l'emporte 2-1. Donc, au combiné, on finit avec une confortable avance de 7-3 sur l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui est l'échec, selon moi, monumental jusqu'à présent dans la Ligue des champions. C'est Raúl González du côté de Schalke à la 45e minute qui a marqué, ainsi qu'Ovedes à la 81e. C'est Thiago Motta du côté de l'Inter qui a ouvert la marque. Donc, Schalke qui passe en demi-finale. Et du côté de Londres, Real Madrid qui avait emporté le match aller contre Tottenham 4-0. Là encore emporté, Cristiano Ronaldo à la 50e minute marque le seul but du match. Donc 1-0, Real Madrid qui passera en demi-finale également. Ce qui nous amène des affrontements très intéressants. En fait, un affrontement magique et un autre très intéressant. Les affrontements vont avoir lieu 26 et 27 avril pour ce qui est des matchs aller. Et je vais commencer avec l'affrontement intéressant. C'est que Schalke va affronter Manchester United. Ouais. Extrêmement intéressant, pourquoi? Parce que Schalke a créé une surprise immense, a démontré qu'il était capable de marquer contre un système défensif. On sait que l'Inter de Milan est quand même une équipe relativement défensive. Tout le système de jeu italien est basé en fait sur la défensive et la relance, ou presque, là. Et Manchester United, qui est une équipe très, très bien installée en défensive et qui ne marque pas beaucoup de points pour l'instant dans la Champions League. Mais évidemment, tout pourrait changer. Sauf que ça va être un affrontement extrêmement intéressant à regarder parce qu'on ne sait pas vraiment trop ce qui va se passer. Manchester United est évidemment capable de battre cette équipe-là. Selon moi, Manchester United représente probablement la meilleure équipe qui travaille en équipe des quatre qui restent. Sont-ils toujours en tête de la Premiership anglaise? Oui, la Premiership anglaise. Mathématiquement, là, c'est pas officiel, mais tout presque, là, Liverpool qui a perdu en fin de semaine, donc s'éloignant encore un peu. Contre Liverpool, justement, qui a perdu, donc s'éloigne un peu de la tête de la Barclay. Ouais, en effet, reste 6 matchs et il y a 6 points de différence. Ouais, c'est ça. Donc, à toute fin pratique, c'est terminé. Et donc, cet affrontement-là qui va commencer justement à Gelsenkirchen. Donc, on commence en Allemagne. Ça risque d'être de pas être si simple que ça pour Manchester United, mais quand même. Et l'autre affrontement qui est l'affrontement magique, Real Madrid contre FC Barcelone, un classico. Un classico, là. Et ce qu'il y a d'encore plus merveilleux, c'est que cette semaine, il y a eu un classico dans la Ligue espagnole. La semaine prochaine, il y aura l'affrontement aller classico. Dans 2 semaines, c'est l'affrontement retour, encore un classico. Et dans 4 semaines, on a un autre match, un autre affrontement entre Real Madrid et Barcelone. Donc, 4 classicos en 4 semaines. Il y a de quoi célébrer, faire un festival, marquer ça dans les annales du sport. Ça risque d'être extrêmement intéressant, cet affrontement-là. Et c'est déjà parti, en fait. C'est que là, on a 2 matchs qui comptent pour la Ligue des champions, mais on en a 4. Donc, c'est 4 affrontements et on en avait un cette semaine. Real Madrid a sauvé la mise. Oui, Real Madrid qui a sauvé la mise. Effectivement, le titre d'ailleurs de l'agence France Presse, c'est le Real sauve son honneur, mais encore. En fait, Barcelone qui avait pris les devants 1-0 et Real Madrid qui était réduit à 10. Donc, a quand même réussi à éviter une 6e défaite consécutive là, dans le Classico en faisant 1-1. Reste à 8 points également là, du leader de la Liga dans le cas du Real Madrid. Donc, un match un peu mi-figue, mi-raisin, dans le sens où on espérait tellement que ce match-là sonne le réveil du Real Madrid qui, contre le FC Barcelone, n'est pas capable du tout d'amener son jeu au niveau qu'elle est censée l'amener avec des joueurs complètement démentiel. Là. Je veux dire, quand tu remplaces Higuain par Kaká ou que tu enlèves Cristiano Ronaldo pour mettre Adebayor, je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose d'indécent dans tout ce talent du côté du Real Madrid. Mais du côté du FC Barcelone, on représente, comme je disais tantôt avec Manchester United, une meilleure équipe qui travaille ensemble. Et c'est ce qui fait la différence. Du côté de Barcelone, on repêche très, très, très, très jeune et on forme les joueurs pour être des représentants de FC Barcelone, tandis que du côté du Real Madrid, on y va beaucoup avec les joueurs déjà établis, puis on se fait une équipe avec ça. dans les dernières années, ça a fonctionné. Cependant, là, depuis un an, deux ans, trois ans peut-être même, Barcelone qui semble reprendre l'avantage contre Real Madrid. Et évidemment, ça va être très intéressant de voir ça en l'affrontement en Champions League. On pensait en avoir déjà un bel affrontement cette semaine. On a été quand même un peu déçus. Reste à voir là, au courant de la semaine prochaine. T'allais dire quelque chose? Ben, t'avais-tu quelques petites nouvelles? Ouais, j'en ai encore du stock. Là. Je pensais que t'allais dire quelque chose. Non, j'avais rien à racheter. Okay. En Coupe d'Angleterre, surprise, évidemment, là, en fin de semaine dernière, Manchester City affrontait Manchester United. Ça s'est terminé énormément dans le tumulte pour la Coupe d'Angleterre, mais Manchester City l'a emporté, éliminant ainsi donc là, Manchester United de la FA Cup, ce qui n'est pas la Barclay League là, pour les gens un peu intéressés à la chose. C'est un peu comme c'est spécial comme c'est un tournoi. Exactement. C'est qu'on joue des équipes. On joue comme trois ligues en même temps. Mm. On joue la ligue, on joue un tournoi, puis pour ceux qui sont là, ben on joue soit la Champions League, on joue soit l'Europa League ou on joue soit l'autre ligue. Il y a la FA Cup, mais aussi la League Cup là. Ouais, c'est quatre tournois. Donc ça peut être un peu complexe à suivre. Du côté de la Coupe d'Angleterre, Stoke a battu, Bolton. Donc, c'est Stoke qui a battu Bolton 5-0 en demi-finale à Wembley. C'est exactement pourquoi j'avais de la misère. Là, je me disais non, il n'était pas à Wembley, ouais. Mais bon. 5-0. Donc, Stoke rejoint Manchester City en finale de la Coupe d'Angleterre. Écoutez, dans le cas de Stoke, là, c'est une première en quelque chose comme 148 ans. T'sais, on pensait que le Canadien, c'était vieux. Là. Stoke a pas gagné depuis 148 ans. N'est pas allé en finale de la Coupe d'Angleterre. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Un gros accomplissement qu'on fait là, de ce côté-là. Mais je ne vois pas comment Stoke va pouvoir passer Manchester City, là, qui est une machine de soccer depuis quelques temps. Depuis l'arrivée de Carlos Tevez, en fait, là, depuis sa production offensive incroyable. Donc, très intéressant. D'ailleurs, parlant de Manchester City, les Whitecaps pourraient bien les affronter en juillet prochain. Ça va être très intéressant. En fait, je vous lis la dépêche de la presse canadienne. Les Whitecaps de Vancouver vont disputer un match amical contre le club de première ligue Manchester City au mois de juillet. Match international aura lieu le 2 juillet à Empire Field, ont annoncé les Whitecaps en conférence de presse jeudi. Whitecaps joue habituellement sur une surface synthétique, mais du gazon naturel sera temporairement installé pour l'occasion. Le club de la MLS jouera à Empire Field jusqu'à ce que les rénovations à BC Place soient complétées cet automne. Phil, oui. Entre ce match-là puis l'Impact qui affronte l'AC Milan... L'Impact qui affronte l'AC Milan, c'était beaucoup plus gros. Ouais, on était au stade olympique. C'est l'AC Milan, c'est les champions de la Champions League de l'année d'avant. C'était énorme. C'est Cristiano Ronaldo. C'est Ronaldinho, pardon. Ouais. C'était magistral, c'était sublime. Et c'était dans la lignée de plusieurs autres matchs internationaux qui nous avaient amenés jusque-là. Il y avait eu Bordeaux-Guingamp également là, qui était venu faire des affrontements entre eux et contre l'Impact. On avait eu River Plate aussi quelques années auparavant. On a Fiorentina et on a eu l'AC Milan. Dans le cas des Whitecaps, par contre, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir un peu faire ce qu'on fait là, du côté de l'Impact, c'est-à-dire d'aller chercher des matchs internationaux. Et de la visibilité. Voir qu'est-ce qu'il y en a. Exactement. Et l'Impact qui va jouer également là, contre le Red Bull FC, Thierry Henry. Oui. Exactement. New York, contre New York, le Red Bull FC de New York, qui je crois que c'est au mois de mai. Donc également là, un autre match à saveur un peu international sans l'être. Un match d'amitié. Exactement. Un friendly. Donc j'y serai, j'ai bien hâte. Mais du côté de Vancouver, ça va être la signature visuelle aussi qui va être très belle là, de voir le magnifique chandail des Whitecaps affronter le magnifique chandail des Manchester City sur fond de montagne et de ciel bleu azur. Ça risque d'être génial. Dernière petite nouvelle du côté de l'Impact, on en parlait, ça va pas très bien en début de saison, mais il faut pas s'en faire, c'est généralement la vitesse de croisière de l'Impact en début de saison. On le disait la semaine dernière, très difficile là, peut-être pas en étant difficile, mais quand même, là, il y a une cohésion à développer, puis évidemment ça se fait pas du premier coup. L'Impact qui est en Caroline du Nord pour y affronter les Railhawks, se sont inclinés 2-1 samedi pour amorcer évidemment la saison avec deux revers d'affilée. Évidemment, on va chercher à marquer plus lors du retour à Montréal pour l'Impact. Il va falloir évidemment là, essayer de trouver le moyen de marquer et surtout de contrôler le milieu de terrain, ce qu'on n'a pas fait dans les deux derniers matchs. Donc, on va voir du côté de l'Impact, retour à Montréal incessamment. Donc, ça risque d'être bien, bien, bien plaisant. Hâte de voir ça, le début de saison. Ouais. Et j'imagine qu'ils vont commencer les rénovations oui, à travers tout ça. Tu ne veux pas terminer la dernière saison en queue de poisson. Oh non, non. Évidemment, tu ne veux pas rentrer dans la MLS en étant... C'est comme si tu avais été promu comme en Ligue anglaise ou en Ligue européenne. Oui, exactement. C'est comme si tu sais que tu vas rentrer en sixième année, mais que tu as des F pareil dans tes notes. C'est un peu plat. Ça, c'est la réforme. Oui, ça, c'est la réforme. Mais à une certaine époque, ce n'était pas possible. Non. Je te remercie beaucoup, Philippe. Ça me fait plaisir. Il est présentement à 10h49. On vous le rappelle, l'émission du matin est 30 minutes plus longue. On va terminer vers 11h30 là, parce que il y a le débat des candidats pour la circonscription de Trois-Rivières qui est disputé, qui va être présenté surtout sur les ondes de C'est fou. Donc on a une demi-heure de plus avec vous ce matin, le dîner de con qui prend relâche aujourd'hui. Donc on s'en va en musique. On va aller écouter un peu de Galaxy à l'époque, ou Galaxy 500 pour ceux qui se souviennent de ce groupe. Donc avec la chanson Piste 1. En vous rappelant que vous êtes à l'écoute de l'Incontu de partie sur les ondes de C'est fou pour encore 40 minutes. Du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduit de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie pour encore jusqu'à 11h30. Là, on prolonge ça ce matin. Petite nouvelle, messieurs, mais quand même, le vendredi noir a eu lieu, là, vendredi. Hey, ben, oui. Vendredi, bien sûr, là, dans le monde du poker, étonnamment, rare qu'on parle de poker sur l'émission, là. Les salles suivantes, bon, ceux qui jouent au poker en ligne, PokerStars, Full Tilt Poker et les salles du réseau Sirius, qui, bon, ont été accusés. Le FBI est rentré à travers ça. On accuse ces salles-là d'avoir fait du blanchiment d'argent. Donc, dites-vous, une organisation criminelle s'inscrit à Folded Poker sous un faux nom, avec l'accord, avec l'approbation, bien sûr. On a facilité le système du côté des gens qui sont accusés. Bien sûr, là, c'est selon les nouvelles et selon ce qu'on les accuse. Là, je ne dis pas qu'ils sont coupables nécessairement, mais selon l'accusation, on les accuse d'avoir facilité ça dans le but de blanchir de l'argent. Donc, on met 100 000 $ sur le compte de PokerStars et ensuite, on va venir le retirer tout simplement, mais en chèque, c'est plus facile à déposer. Et ensuite, on dit « Oui, mais regarde, c'est mes gains sur le site de poker. » Parce que, bien sûr, les criminels des États-Unis parlent avec un accent français. Donc, donc on parle de 76... le mandat émis, ce qu'on a émis du côté du FBI, c'est 76 comptes en banque qui ont été bloqués dans 14 pays différents. On parle aussi, bon, ce qui est arrivé, c'est que là, du côté des États-Unis, si on va sur le site PokerStars.com, il est barré. Il y a un beau gros logo du FBI. Terminé, merci, bonsoir. Comme le même genre de... Direct ça, je sais où tu t'en vas. Là. De logo qu'on peut retrouver pour... acheter tes... À TDHE. Ouais, non, ça, mais j'allais dire Napster, en fait, ou Napster, des affaires comme ça, ouais, là, okay, pour les gens qui l'ont peut-être vu... à l'époque, là. Mm-hmm. C'est-à-dire que, comme le nom de domaine avait été enregistré aux États-Unis, on avait droit de couper les vivres, carrément, couper... on avait droit de saisir le domaine. Ce qu'on a fait, PokerStars, entre autres, là, parce que c'est le, tant que moi, c'est le plus gros, quoique Full Tilt est quand même gros. Dans le cas, je crois, là, du côté de PokerStars, c'est une poursuite qui a été faite aux États-Unis qui vise des Américains. Oui. L'édition .ca de PokerStars est disponible. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour les joueurs canadiens, ça ne change pas grand-chose. D'accord. Parce que là, on reproche pas à ces salles de poker-là d'être pas fiables, de voler leurs clients ou tout ça. On leur reproche d'avoir favorisé le blanchiment d'argent. Donc, on reproche à des personnes et non pas à l'organisation. Tu me diras, oui, mais gars, un moment donné, c'est parce que c'est le président. Là. Ouais, c'est, non, c'est ça. Là. C'est ouais, ça. Mais les joueurs américains devaient paniquer sur leur fonds. Ben oui, c'est ce qui est arrivé. Mise de fond, là. C'est exactement ce qui est arrivé. Les joueurs ont tenté. J'avoue, de... hein? Ouais. Les joueurs ont tenté de retirer leur argent. Est-ce que oh, je vais me faire. Semble-t-il qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Semble-t-il que pour les joueurs de poker d'un peu partout à travers la planète, il n'y a aucun problème. Tout simplement, là, les fonds sont protégés. Donc ça va être correct. Mais c'est toute une décision là, qui a été annoncée. Il y a encore... Bon, ça, c'est les trois sites qui on reproche des choses. Il en reste encore beaucoup. Et d'ailleurs, même hier, sur PokerStars, il y avait quand même 234 000 personnes qui étaient en train de jouer en ligne, selon l'article qu'on peut lire. Du moins, hier, c'est samedi. Là. Donc, ça n'a pas tant affecté ça. On disait, par contre, qu'au niveau des tables, où est-ce qu'il y a de gigantesques mises, c'est là que ça change un peu quelque chose. C'est super intéressant parce que... On automatiquement, là, quand on cherche, exemple, fulltiltpoker.com ou qu'on va sur... On nous dévie immédiatement vers le domaine le plus proche géographiquement qui va te permettre quand même de poursuivre ton expérience. Dans le cas de PokerStars, c'est pokerstars.net/ca. Dans le cas de fulltiltpoker, c'est UK, donc .co.uk. Donc, je trouve ça quand même juste un peu rigolo là, de voir qu'on s'est quand même très, très bien arrangé du côté de Fulltilt pour continuer de répondre à la demande. On n'a pas le choix nécessairement. C'est pas juste une question de répondre à la demande. Mets-toi à la place de personnes qui sont sur le système de jeu, qui sont là, qui ont de l'argent. Si tu peux plus accéder à ton site, ou c'est pas des bonnes nouvelles, tu as l'impression que tu vas te retrouver avec pas mal moins d'argent en fond dans ton compte de banque. Donc, c'est ce qui conclut pour le poker. On va aller en musique et ensuite, on va avoir droit aux nouvelles de Radio-Canada. Et on vous revient pour la dernière demi-heure de l'émission. Donc, ne manquez pas, on va parler de course, là, course automobile après l'émission. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou! Je l'ai dans le rétroviseur et je l'ai aussi dans la peau. les ondes de C'est Fou, voici maintenant les bulletins de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada. Puis les artistes incompris. 89. Ah, c'est fou, là, on est de retour à l'inconduite de partie. On vous rappelle, on est ici jusqu'à 11h30, quoi qu'on va finir, là. Je vous ai préparé une petite surprise pour terminer. Je pense qu'une toune que la plupart des gens devraient beaucoup apprécier. Puis je vous la dis pas, c'est quoi. Hey, on parle de course automobile maintenant, messieurs. C'était le Grand Prix en Formule 1. On va y aller tout d'abord avec la Formule 1, Grand Prix de Shanghai en fin de semaine. Et quelle course! Philippe, t'avais dit vendredi qu'en Formule 1, t'écoutes le départ, puis tu pognes la fin le lendemain matin. Ben, j'ai fait le contraire, là. Oui? Cette nuit, ouais. C'est, en fait, samedi soir, j'ai été chez des amis à Crabtree pour écouter le match de hockey. Et comme je vous ai dit tantôt, en fait, là, bon, la soucoupe a pas pogné parce que trop de tempête. Donc, évidemment, en pleine tempête, tu fais pas une heure et demie de voiture. Donc, j'ai attendu que ça termine et je suis rentré chez moi quand même relativement tard. Je suis arrivé juste à temps pour voir les 10-11 derniers tours du Grand Prix. Et vraiment, là, avec 3 ou 4 batailles pour le 6 à la 6e à la première place, il y avait 3-4 batailles faciles, super intéressant, des pneus hyper usés pour la majorité. Peut-être Hamilton et Weber. Peut-être Hamilton et Weber qui étaient sur des gommes plus intéressantes. Et c'est eux qu'on voyait remonter tout le long de cette fin de course-là. Ce fut vraiment sublime. Donc, j'ai vu la fin du Grand Prix en direct et j'ai regardé le départ le lendemain matin. Donc, un peu le contraire de mon habitude, mais j'adore vraiment regarder de la F1 en pleine nuit. Je trouve ça super intéressant. Ce que je retiens de ce Grand Prix-là, mis à part bon que la séquence de Vettel a été arrêtée, heureusement, dois-je dire, parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans une performance et dans une séquence à la Michael Schumacher il y a quelques années. Mais je retiens surtout la performance de Mark Webber, parti 18e, qui termine 3e. Félicitations à l'équipe Red Bull là-dessus, là, parce que c'est pas facile. Là. Shanghai, qui est une piste, est une piste de Ehrmantraut, c'est-à-dire que c'est un dessinateur de piste qui est probablement celui qui est le plus utilisé en Formule 1 pour tout ce qui est nouveau circuit. C'est-à-dire que Bernie le force un peu à aller là. Il est même en train de dessiner et construire celle de Austin au Texas où on prévoit avoir un Grand Prix en 2012, Grand Prix de Formule 1. C'est des pistes extrêmement laides, mais qui favorisent les dépassements. Regardez les dernières pistes qui ont été construites en Malaisie. Il a fait la rénovation de Hockenheim. Tu sais, Hockenheim qui était une grosse piste ronde avec des lignes droites longues comme c'était pas possible. C'était pas une piste nécessairement intéressante. Mais bon, c'est des pistes qui maintenant, une longue ligne droite ou deux longues lignes droites et des virages suivis de virages extrêmement serrés pour favoriser les dépassements. C'est des pistes qui sont beaucoup avec des angles droits et avec des formes un peu bizarres. Si tu veux mon avis, moi, c'est un peu la piste idéale pour de la F1. Peut-être pour les autres styles de course, ça va être plus difficile, ça va être moins intéressant, comme tu dis, à juste titre. Je veux dire, si tu as des grandes lignes droites, si tu as des courbes très serrées, très prononcées, il faut que tu aies la voiture pour la prendre à pleine puissance. Si tu es obligé de ralentir énormément puis de ne pas pouvoir profiter de ta très grande ligne droite, là, ça devient compliqué. Je sais pas si vous avez vu les images, les gars, à bord de la voiture. Je pense que c'est de Alonso ou de Vettel, je sais plus trop, là, ou pendant les... On l'a vu souvent là, pendant les bulletins sportifs où on nous montre la longueur de la ligne droite, à quel point c'est long. Et à 322 km/h, à pleine puissance jusqu'à la fin. Et en l'espace de une seconde, on passe de 322 km/h à peine 100 km/h pour attaquer un virage. On passe de 7e à 3e en l'espace d'une demi-seconde. C'est magnifique de voir ce genre de séquence-là. Évidemment, si t'as pas une machine qui est capable ça devient un peu plus endormant pour le circuit. Sauf que ce que je m'en allais ajouter comme point, c'est que on retrouve plus des pistes un peu comme Spa-Francorchamps. Avec des beaux engagements de virage. Bon, Silverstone était comme ça, ils l'ont fait au complet. Ouais. Il y a plusieurs pistes comme ça qu'on a éliminées parce que favorisait pas plus près de nous, Saint-Jovite, Mont-Tremblant. La piste de Mont-Tremblant n'est pas une piste qui favorise les dépassements. Donc, on préfère ne pas l'utiliser plus qu'il faut. Donc, c'est dommage, mais bon, si ça rajoute au spectacle, c'est un peu des... Ben, moi, j'aime mieux voir des dépassements que des belles pistes, là. Ben, ça, c'est une question puriste ou spectacle. Non, ça ne change rien. Je veux dire, tu regardes la F1, tu regardes-tu la F1 pour voir une course ou tu regardes la F1 pour faire du tourisme? Tu sais, moi, je veux dire, quand j'ai vu Hamilton dépasser Vettel dans un endroit complètement inattendu qui était en plein virage, entre deux virages super serrés, il est allé le chercher là, j'ai levé dans mon lit, là. J'ai trouvé ça super. C'est encore drôle parce que si je te parle du virage le plus connu en Formule 1, c'est au rouge à Spa-Francorchamps. Et pourtant, tu n'auras aucune chance de dépassement là. Mais la courbe, comment elle est faite, en descente avec une montée, c'est connu, mais les S de Senna, c'est pas. Quel S de Senna? À Montréal, c'est assez haut. Ça n'a rien à voir. Fait qu'à moi, à Montréal. Ah oui, OK, tu parles de la chicane avant le. Avant la ligne droite, là, avant la ligne d'arrivée. Pas l'aiguille. C'est très connu parce que le mur des champions, mais met une zone de dégagement à la place d'un mur là, puis on n'en parle pas. Ben non, mais là, Nick, en tout cas. Ben, ouais. C'est vrai. Oui, effectivement, c'est ce que je veux dire. S'il n'y a pas le lac en arrière, il y a longtemps que la Formule 1 a fait reculer le mur d'à peu près 100 mètres. C'est juste ça que je veux dire. On change maintenant de formule. On s'en va maintenant en IndyCar. Grosse performance. Félicitations à Alexandre Taghiani qui a réussi une cinquième position du côté de Long Beach. Une piste, si on parlait de belles pistes avec des paysages, Long Beach, c'est une piste de ville, donc pas très grand-chose d'impressionnant là-dedans au niveau décor. Donc, une cinquième position pour lui, c'est Mike Conway qui a remporté la victoire après qu'il ait doublé Ryan Briscoe. On peut aussi parler du Canadien James Hinchcliffe qui a conclu tout juste devant Tagliani au quatrième rang. NASCAR, non, on va s'en aller avant, là. Mickaël Grenier, c'était sur la même piste à Long Beach, lui qui est en Firestone in the Lights. C'est pas facile là, présentement là, pour Mickaël Grenier parce qu'il a une bonne voiture, mais beaucoup de problèmes à toute la date dans les trois courses, dans les qualifications, ce qui fait qu'il doit partir loin. Encore une fois, il est parti au 13e rang, mais il est le pilote qui a gagné le plus de positions dans cette course-là. Il a terminé au 7e rang. Donc, une autre bonne performance pour Grenier qui, je l'espère, va conserver son poste là, comme pilote. On le sait, c'est tout le temps une question d'argent, donc doit se trouver quelques commanditaires. Et finalement, NASCAR... Quelle course! C'était un gros week-end de sport automobile aussi. Quelle course à Talladega! On le sait, Talladega, c'est pendant 500 000, bumper à bumper. On se suit, on se lâche pas. Souvent, on attend toujours le big one là, qui va causer un méga accident, donc qui est très risqué. Et là, la victoire a été par Jimmy Johnson. Grosse victoire pour Johnson là, qui l'a emporté vers... Écoutez, allez voir la séquence Tu viens de me le montrer tantôt durant la pause. Là. Allez voir la séquence. C'était sexy, ça. Non, mais c'est impressionnant. Puis voir que son compatriote le suit. Là, oui. Ouais. Ben, c'est allez voir la séquence sur YouTube. C'est difficile à la rendre un peu à la radio, bien sûr. Mais on est à 6 pour la première position. Et dans la dernière courbe, on se déplace en groupe de 2. C'est-à-dire qu'on va avoir Jeff Gordon, on va avoir Clint Bowyer, Kevin Harvick. Donc, Bowyer, Harvick se suivent. 3 de large devant, 3 de large derrière ou 3 qui se suivent? 3. OK. C'est-à-dire que Clint Bowyer, Kevin Harvick se suivent. Jeff Gordon et... il me manque le nom. Je vais essayer de trouver la voiture. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Carl Edwards, peut-être, si je me trompe pas. Qui se suivent eux aussi? Et finalement, Jimmy Johnson et Dale Earnhardt, qui sont en arrière de ce groupe de 2 dans l'entrée de la dernière courbe, rentrent à l'intérieur les 2 et on a réussi à se comprendre en l'espace d'un quart de seconde pour se dire « Gag, go, on rentre en arrière ». Johnson se tasse, Earnhardt le suit, donne l'aspiration. On s'entend que si Johnson sort à l'intérieur sans Earnhardt, il termine 5e. Mais là, ils ont réussi par 2 millièmes de seconde, 0.002. Wow. Dit que c'est un pied. Un pied à l'arrivée. Un pied à l'arrivée. Il a réussi à battre Clint Bowyer. Donc, quelle fin de course. Et ceux qui diront que le NASCAR, c'est juste tourner à gauche, c'est là qu'on peut voir que non, c'est beaucoup plus que effectivement, ça. Effectivement, c'est ça qui est intéressant avec le NASCAR. Sauf que, selon moi, et comme on disait... C'est les 25 derniers tours sont sublimes à voir aller. C'est les 200 avant qui sont un peu plus difficiles. En tout cas, dans mon cas, moi. Mais évidemment, on fait ça pour... En même temps, user les pneus, rouler la voiture pour avoir ces 25 derniers tours-là qui sont intéressants. Exactement. Et c'est ce qui conclut l'inconduite de partie plus une demi-heure ce matin. On espère que vous avez aimé ça. Un petit marathon. On conclut ça. On conclut ça un petit peu plus de bonheur. On avait dit 11h30, mais je me suis dit qu'on va vous trouver un cadeau. Une petite chanson là, que j'adore beaucoup. Bob Dylan. Ouais. Bob Dylan, Hurricane. Que j'ai appris à connaître ici à l'émission. Cette saison. Exactement. Donc, je vous rappelle, c'est le débat politique tout de suite après notre émission à la Chasse-Galerie. Donc, n'hésitez pas à écouter ça. Pour Philippe et Marc-Antoine, je suis Nicolas Duchamp. On vous remercie. Bonne semaine. A bartender in a pool of blood cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell. But one time he could have been the champion of the world. Before and the time before that, in Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. Two men running out who looked like middleweights jumped into a white car without a state plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, he told him he could identify the guilty man. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done, put in a prison cell. But one time he could have been the champion of the world. South America fighting for his name. Well, out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. The Bradley said, I'm really not sure. A cop said, a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder. Yeah. take a man out with just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man into a mouse. All of Reuben's cards were marked in advance. The trial was a pig circus, he'd never had a chance. The judge made Reuben's witnesses drunkards for the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. The black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Nigeria agreed. Reuben Carter was falsely tried. Crime was murder one, guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. The newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is a game. Criminals in their coats and their ties are free to drink martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Is that the story of the hurricane? But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion. I